voir évidemment en octobre. Ça commence le 29 septembre à Nîmes, puis le 26 octobre la salle Pleyel. Et en fait, vous avez vraiment plein de dates. Allez les voir. Écoutez déjà cet été, vous avez l'album déjà. Ça, c'est pas mal. Poupée Russe. Et puis on se quitte avec Acrobat, qui est le deuxième single. Pardon, deuxième. J'ai oublié La Nuit. La Nuit, le clip avec Mathieu Kassovitz. Ah, bah oui, vive les Poupées Russes. Merci. Ouais. Acrobate, Agnès, sur un fil, les poupées russes, magnifique. Hello G, merci d'être passé par RTL. Il est 23h. Les toutes dernières informations d'RTL Grand Soir avec vous, Céline Landreau. Tout d'abord, la photo de famille prise sur la hauteur de la Malbaie ne masquera pas les tensions lors du G7 au Canada. Oui, quasiment un G6 plus 1, tant les États-Unis semblent isolés. Ce soir, le Canada estime ainsi que les droits de douane instaurés par le président américain sur l'acier et l'aluminium sont illégaux. Donald Trump, qui avant de rejoindre le Canada avait fait savoir que la Russie devrait avoir sa place autour de la table. Les Européens répètent ce soir qu'ils s'y opposent. Toujours à l'étranger, 4 Palestiniens ont été tués aujourd'hui dans la bande de Gaza. De nouvelles manifestations émaillées de heurts avaient lieu dans l'enclave palestinienne, toujours au nom du droit au retour. La menace d'une nouvelle grève chez Air France. L'intersyndicale appelle à cesser le travail du 23 au 26 juin prochain pour réclamer une hausse des salaires. Un appel susceptible d'être levé ou renforcé, selon les annonces faites par la direction. La présidente d'Air France par intérim, Anne-Marie Coderre, a promis des réponses concrètes sur les salaires dès jeudi prochain. La grève de la faim des salariés de l'hôpital psychiatrique du Rouvray a pris fin à Rouen après 19 jours. Il dénonçait une surpopulation chronique et une dégradation des conditions de travail et d'accueil. Un accord a été trouvé avec la création de 30 postes. L'intersyndicale en réclamait au départ 52. Le tennis et Rafael Nadal, toujours impérial à Roland-Garros. L'Espagnol s'est imposé en 3-7 face à Juan Martín Del Potro, 6-4, 6-1, 6-2. Il retrouvera donc dimanche en finale Dominic Thiem, qui a mis fin au rêve de Marco Cecchinato en 3-7 également, 7-5, 7-6, 6-1. Demain, place à la finale dames, Simona Halep affrontera Sloane Stephens. La météo, rebonsoir Peggy Broche. Rebonsoir, alors on a 8 départements en vigilance orange, orage ce soir. Ça concerne les Côtes d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, la Manche, le Calvados, l'Orne, la Mayenne, la Sarthe et le Maine-et-Loire. Prudence car ces orages peuvent à nouveau être violents accompagnés de fortes précipitations et de grêle ce soir, cette nuit également. Cette dégradation orageuse n'aura pas bougé demain matin. Dans les régions plus au sud, toujours sur la façade ouest, le ciel sera plutôt nuageux le matin avec quelques averses et les orages vont également se développer en cours de journée. Et puis alors sur la moitié est, ce sera complètement différent. On pourra sortir les lunettes de soleil dès le matin. Un beau ciel bleu, un peu plus nuageux l'après-midi, mais ça restera agréable. Et puis un risque d'orage isolé dans le nord-est et en montagne en toute fin de journée. Il fera encore très chaud demain, surtout sur l'est, 29 à Grenoble et à Lyon, 28 à Carcassonne et Marseille, 27 à Paris, 26 à Ajaccio, 25 degrés à Bordeaux et 21 à Brest. Merci mille fois Peggy Broche. Mesdemoiselles, Céline Landreau, bonne fin de soirée. Agnès Bonfils, on se retrouve lundi. Avec plaisir. Demain soir, c'est football. France, États-Unis, sans plus tarder. Les grosses têtes, le meilleur de la semaine. Sur RTL, tout de suite, les meilleurs moments des grosses têtes. C'est à ne pas manquer. Une question pour Mokran Seloum qui habite Melun. La docteure Sylvie Abraham nous dit que c'est surtout fréquent chez les sportifs, les pompiers, les policiers, mais aussi, et ça on le savait peut-être moins, les informaticiens. Mais qu'est-ce qui est fréquent chez ces catégories professionnelles ? C'est la crampe de quelque chose. Non. Une tendinite, non. Le micro-pénis. Alors, on n'est pas loin. Mais Sylvie Abraham, elle est chirurgien du sexe. Les pannes sexuelles. Comment vous savez ça? Mais parce que j'ai déjà interviewé. Sylvie Abraham, effectivement, est chirurgienne plasticienne. Alors, voilà. Expliquez. Eh bien, elle fait notamment des opérations qui permettent d'allonger le pénis. Bonne réponse de Karine Lemarchand. Ah, c'est marrant, ça. C'est elle qui a opéré John Lennon. Elle chantait les petites bites, les filles. Mais elle dit en tout cas que ses clients sont soit des sportifs, soit des pompiers, soit des policiers. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils sont dans les vestiaires, avec d'autres hommes. Et par comparaison, s'ils ont un trop petit sexe, ils ont un peu honte. C'est pas parce qu'ils ont une plus petite bite que les autres, c'est que ça se voit davantage. Exactement. Vous imaginez les ravages de Makelele ? Non, c'est pas ça l'histoire. C'est qu'ils ont plus c'est que, honte. Non, bah, c'est que, non, c'est pas qu'ils ont plus honte, c'est qu'ils ont quand même un petit truc au départ. Mais que c'est pas les femmes avec lesquelles ils ont des relations sexuelles qui leur font sentir que leur engin est trop petit. Oui, parce que d'abord, on peut avoir au repos un petit sexe qui a un fort déploiement en érection. Et on peut avoir à l'inverse des déceptions, mais en revanche, ça m'est arrivé. Hein. Les hommes entre eux sont très méchants. Non, c'est vrai. Parfois, on voit le truc énorme. On imagine. Mais en revanche, ce dont les hommes souffrent le plus, parce qu'ils se moquent beaucoup de ça, c'est effectivement dans les vestiaires, quand ils voient quelqu'un, donc évidemment, repos, en train de se laver, et c'est là où ils vont se moquer. Le syndrome du vestiaire. Voilà. Alors, entendons-nous, hein, on ne dit pas qu'il y a plus de petites bites chez les sportifs, les pompiers, les policiers, que chez les autres. C'est simplement que dans ces catégories professionnelles-là, il y en a autant que dans les autres métiers. Ouais, mais ils ont les couilles de se faire opérer. Voilà. C'est-à-dire que ce sont des petites bites qui complexent davantage. Voilà, qui vont plus souvent que les autres se faire opérer parce que les autres n'en ont pas spécialement besoin. Oui, boulanger, on ne monte pas sa teub à tout le monde. Chez les huissiers, on ne se pas ensemble. Quoi. Alors, vous allez me dire, parce que je vois que vous ne me posez pas la question. Quelle est la taille moyenne ? Non, mais vous oubliez un truc. Mais pourquoi alors les informaticiens ? C'est parce qu'ils sont obsédés par la mesure statistique. Voyez. Ah, ils veulent être dans la moyenne. Les informaticiens. Voyez. Oui, mais alors quelle est la moyenne ? C'est ça la vraie question. Alors moi, je vais vous le dire parce qu'elle donne la réponse, la dame. Pas beaucoup. Hein. Il va être rassuré, beau grand. Non, je maîtrise mais déjà attendez, pas mal. Pourquoi il n'y a pas les charcutiers dans votre truc ? Ben, les charcutiers montrent pas. Ben, attendez, ils sont entourés de saucissons toute la journée. Le voir, ça lui fout quand même quelque chose, non ? Oui. C'est vrai qu'un gros salami, ça te fout les complexes. Quand même. Bien sûr. Les éleveurs d'ânes aussi. Hein. Oui, bien sûr. Les marins. Pour un âne, j'ai une petite bite. Mais pour un homme, elle est énorme. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'emmener mon fils aux grosses têtes. Vous connaissez l'histoire du gars qui il est au bistrot avec son copain, puis il y a un bossu qui rentre. Un bossu. Souvent, il y a des bossus qui rentrent au bistrot. Voilà, et il regarde le gars, il fait tiens, vous êtes bossu, là, vrai. Ouais, je suis bossu. Vous pouvez nous montrer votre engin, parce qu'il paraît que les bossus, souvent, ils en ont une grosse. Le gars, il leur montre. Putain, un appareil. Oh, les gars, il fait, oh la vache. Mais alors, vous puvez vous sucer tout seul. Et l'autre, il fait, bah oui, c'est pour ça que je suis bossu. Elle est bien. Je la connaissais pas. Ah, j'aime bien quand il y en a une nouvelle comme bien. Ça. Alors. Elle est bien. Ouais. Bon, alors, la taille, elle le dit, le docteur. Ah oui, c'est combien ? C'est pas beaucoup. C'est votre copine, alors, le docteur Abraham. Non, c'est pas ma copine, mais je la connais. C'est sa bitologue. Je peux même vous dire comment on opère et tout, mais je suis super calée. Ah, c'est vrai, Sylvie Abraham explique qu'une taille satisfaisante, c'est un sexe de 10 cm de longueur environ. Et en érection, il atteint généralement 15 cm de longueur. Vous avez un centimètre, madame, voilà. S'il vous plaît. Oui, non, c'est honnête. Ouais. Non, mais ça rassure tout le monde, ça, parce qu'on est toujours là à dire que ça fait 30 cm. Ouais, pas du tout. Non. Du soyez tout. Rassurés. Il y a beaucoup de gens qui disent 30 cm. C'est handicapant. Et voyez, Rocco Siffredi, on s'en fait des idées. Non, c'est plus 30. Mais non, même pas. 27. C'est 26 cm, Rocco Siffredi. Oui. C'est énorme. Mais alors là, franchement, si j'avais su, j'aurais fait du cinéma. Bah oui. C'est très rare de tomber sur un rôti de porc pour 10 personnes. D'ailleurs, il dit, il m'en reste un peu plus, je vous le mets quand même. Là, mon fils, il se dit, donc on peut gagner sa vie en parlant de bite à la radio. Non, c'est papa a acheté sa maison grâce à ça, surtout. Tu sais, on raconte des trucs comme ça, qu'est-ce quand ton papa est là. D'habitude, on se tient vachement bien. Je suis gêné. Vous emmerdez tous. Allez, maintenant, on a un quiz sur la chatte. C'est vrai qu'il fait moins le mariole quand il y a son fils. Ah, vous nous emmerdez, ma fille, tout le temps à nous dire des horreurs. C'est vrai qu'il fait moins de blagues que d'habitude. Voilà, sous prétexte qu'il y aurait le garçon, quel âge il a votre fiston, vous m'avez dit. 12. Sous prétexte qu'il y aurait votre fiston de 12-13 ans, alors d'un seul coup, eh ben, on va se venger on tous. Va tous ça. Bite, cul, trou du chat. Michon, chat, enculé, salope, mutaque, cunilingus, chienne. Quelle horreur. Vous nous emmerdez à la sous-prétexte que Monsieur Baffy Junior serait là. Ouais. Il faudrait que d'un seul coup on fasse de la poésie. T'inquiète pas, Bastien, dans 20 minutes je t'en mets la das. En tout cas, cette interview du docteur Abraham, pour ceux que ça concerne, est évidemment très intéressante. On appelle ça évidemment une pénoplastie, au cas où vous l'ignoreriez. Oui. Et c'est une intervention dans laquelle la France est en pointe, il faut le savoir. C'est le mot, c'est ça. En balotage. C'est vrai. Et donc, ceux qui sont intéressés, voilà, c'est souvent à cause du complexe du vestiaire. On appelle ça le complexe du vestiaire, et voilà pourquoi. Non, je le répète, c'est pas que les sportifs, les pompiers, les policiers soient. Les charcutiers. En tout cas, merci d'avoir fait court sur le sujet. Quoique les culturistes avec la gonflette, ça leur raccourcit un peu le bazar. Ah oui. T'es vraiment venu le bonjour, Bastien. Vous avez bien fait de venir aujourd'hui, Olivier de Kersauzon. Pourquoi vous ne nous emmenez pas vos enfants, vous, Olivier? Ils sont tous morts de vieillesse. Vos propos vont me faire passer pour raffiné, moi. C'est voilà. Vrai que moi, pour une fois que j'ai une bonne réponse, c'est sur les bites. Bon. L'amour est dans le prépuce. Pendant le mois de l'utilitaire Nissan, c'est le moment de recruter un nouvel équipier. J'adore bosser avec lui, il est super efficace. Mais de qui tu parles, ton nouvel apprenti ? Non, de mon nouveau Nissan Navara. En plus, il est sans apport, comme toute la gamme utilitaire Nissan. Pendant le mois de l'utilitaire, le pick-up Nissan Navara et toute la gamme utilitaire Nissan sont sans apport, sans malus et toujours avec la garantie 5 ans. Nissan, innover autrement. Offre valable jusqu'au 30 juin, sauf INV200 fourgon. Réservé aux professionnels, garantie constructeur 5 ans, 160 000 km, sauf INV200. Détails sur Nissan.fr. Nico, fais ta valise. Je t'offre un billet pour Venise. Oh, t'es vraiment un pote, mon Lolo. Eh, hey, attends, et un billet pour Berlin aussi. Hein. Mais épouse-moi. Épouse-moi, vas-y, on cale une date. Vas-y, préviens ta mère. Cet été, partez plutôt deux fois qu'une. Avec EasyJet, l'Europe est à partir de 35 euros. Conditions sur EasyJet.com. Tu veux pas mes lunettes de soleil ? Non, ça me gêne pas tant que ça. On peut rentrer se mettre à l'ombre si non, tu veux. Non, mais je vais garder les yeux fermés, c'est bon. On n'est pas toujours prêt pour le retour des beaux jours. Mais avec la box Grand Optical, vos lunettes de soleil sont à moins 20% toute l'année. 10 avantages toute l'année pour moi et ma famille, c'est ça, ma box Grand Optical. Grand Optical, rien n'est trop grand pour moi. Et moi. Conditions sur grandoptical.com, dispositif médical CE. Pour votre véhicule d'occasion, vous pouvez aller chez Nissan ou peut-être risquer ça. Vous voyez, elle a 5 ans et elle est impeccable. Et le moteur a été refait à neuf. C'est bizarre ce bruit, non ? Non, ça c'est normal, c'est le clignotant. Et la fumée, c'est normal aussi ? Vous voyez, de la fumée. Où ça ? Et pendant la semaine de l'occasion chez Nissan du 4 au 10 juin, profitez de la prime à la conversion de 1000 euros sur les crossovers Nissan Juke, Qashqai et X-Trail. Nissan, innovez autrement. Prime à la conversion 1000 euros et reprise véhicule suivant réglementation pour l'achat d'un crossover Nissan éligible, occasion de moins d'un an. Pour quelle raison une partie du tutu d'Emma Livry est-il toujours exposée au Palais Garnier à l'Opéra de Paris ? Parce que ce jour-là, elle a perdu les os. Pourquoi une partie ? Raison le tutu est exposé encore ? Pour quelle raison ? C'est ça. Oui, une partie. Ça, c'est traduit en français ce que vous venez de dire ? C'est traduit encore. Voilà, je traduis. C'était le tutu de Rodincan. Quoi ? Isadora Duncan. Je viens de vous dire que c'était le tutu d'Emma Livry. C'est peut-être parce que c'est le premier tutu qui a été employé à l'opéra. Non, mais pas loin, parce que c'est vrai que ça faisait pas longtemps que le tutu C'est la création des petits rats. Non. Il a cramé le tutu, c'est l'incendie de l'opéra et tout a cramé et son tutu a cramé. Alors, vous êtes tout près, mais non, c'est l'incendie. Le tutu qui est resté, justement. Il est à l'origine de l'incendie. Attendez, mais madame tutu, elle était parente avec Pompon ou pas? Le tutu était enfin, ignifuge. Ça a un rapport avec un incendie. Il restait plus que le tutu? Non. Est-ce qu'il y a eu un feu de tutu? Oui. Elle a pris feu. Elle avait le feu au cul et elle a pris feu pendant un ballet. Oui, c'est ça. Elle a pris feu. Et je me souviens plus de quel ballet. Bah si, c'était le fameux... Non, il y avait du feu sur le... Le ballet au Cédar? Non. Le bal des pompiers? Elle a pris feu, elle. La danseuse a pris feu. Bah oui, bien sûr. Bonne réponse de Christine, bravo. Est-ce qu'elle est morte? Elle est morte. Oui, elle est morte de ça. Brûlée, oui. Elle est morte et c'est la raison pour laquelle les tutus sont plus courts aujourd'hui. Ah bah avant, c'était des jupons, c'est sûr. Exactement, les tutus arrivaient quasiment jusqu'à la cheville à l'époque. Et maintenant, c'est quasiment jusqu'à la... Oui. Et en 1862, on est en pleine répétition. Emma Livry s'approche trop près. Trop près de la rampe à gaz. Parce qu'à l'époque... Les feux de la rampe à gaz. Et sur la scène, c'est une rampe à gaz qui éclaire la scène. Et là, toute idiote qu'elle est avec son tutu... Elle s'est fait cramer la touffe. Elle se transforme... En torche vivante. Exactement. Et tout le monde applaudit en disant, c'était magnifique. Magnifique. Non mais attendez, écoutez bien, elle se transforme en torche vivante, affolée, elle traverse trois fois la scène. Mais elle est con. Elle met le feu à toutes ses copines. Et là tout le monde applaudit, c'est génial, ouais, des figures incroyables. C'est hyper bien fait. On passe du lac des cygnes au lac du poulet rôti, c'est formidable. Non mais je veux dire, elle a appris toute sa vie à pas se rouler par terre dans ce... Et à ne pas souffrir. Heureusement, un pompier quand même s'appelle aperçoit de l'affaire. Un bon pompier, c'est toujours ça, ça fait toujours plaisir. Il se précipite sur elle, s'apercevant alors qu'elle allait être nue, puisque son tutu était en train de cramer. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle aggrave ses brûlures en ramassant avec ses mains les morceaux de son tutu enflammé pour se couvrir. C'était une magnifique danseuse, mais totalement con. Alors, alors en plus, elle était moche. Tenez, je vous passe la photo d'Emma Livry, dont un morceau de tutu est toujours exposé, parce qu'elle n'est pas morte sur scène. Hein. Attention, elle a brûlé, Elle a continué à cramer. Elle a cramé jusqu'à l'hôpital, ouais. Non, c'est vrai qu'elle était moche. Elle est morte à cause de la brûlure. Elle était hideuse. Elle était moche de tête. Hein. Alors, pour une danseuse, c'est pas grave, c'est les jambes surtout. Le tutu, c'est pas qu'il était trop long en bas, c'est qu'il était trop court en haut. Hein, parce que s'il savait plus lui cacher la gueule, ça aurait été pas mal. Hein. Ah, c'est vrai qu'elle était pas. Vous voyez Au niveau de la gueule. C'est pas qu'elle était vilaine, là, c'est un pou. Bah, t'es hideuse. C'est un pou. Ils acceptaient des danseuses comme ça à l'opéra. Passez à Christina Cordula. Parce que je vous ai pas raconté la suite pendant ce temps-là, je vous raconte. Elle aggrave ses blessures, donc en ramassant les morceaux de l'étoffe enflammée pour se couvrir parce qu'elle avait peur d'être toute nue. Ouais. Croyant bien faire, sa professeure, l'ancienne danseuse Marie Taglioni, elle a inventé le tutu. C'est elle qui a inventé. Elle n'en fait les pattes, rien à voir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'enduit de graisse à démaquiller. Très bonne idée. Bonne idée. Mais non, le remède se révèle pire que le mal. À l'époque. Elle est donc transportée par son médecin au château de Villiers à Neuilly-sur-Seine. En tout cas, ses blessures se rouvrent pendant le transport et s'infectent. Et elle meurt d'une septicémie 8 mois après le drame. Ah, donc elle n'est pas morte brûlée à l'hôpital. Elle est souffrir un maximum. Ça a marqué l'histoire du ballet romantique. Et du tutu. Elle avait 21 ans seulement. Et c'est après ça. Ça avait 21 ans Cette photo-là. Elle avait 21 ans. On ne dit pas ça en parlant d'un martyr de la danse. Pardon, autant pour moi. C'est vrai qu'elle est quand même très moche. On dirait Charles de Gaulle avec un tutu. La place de l'étoile, on l'appelle place Charles de Gaulle. Quelle tragédie. Hein. Et est-ce que vous savez, ce sera une question subsidiaire, une deuxième chance pour notre auditeur, pourquoi un tutu s'appelle tutu? Parce qu'il a été créé par un Italien dont le nom était Tutu la praline. Non. Est-ce que vous pouvez imaginer d'où vient le nom tutu? C'est dans toutes les langues. Pardon? C'est qu'en français. Ah bah c'est en français, le tutu est français. Mais c'est à cause du cucu. C'était fait en tussor. Non. En tulle. En tulle. Oui, voilà. Ça vient évidemment du tulle. Le tulle qui vient d'ailleurs de la ville de Tulle. Et c'est ainsi qu'on a appelé, à cause de l'étoffe, ce jupon, double jupon, triple jupon, tutu. Pourquoi vous vous marrez? Heureusement que ça n'a pas été écrit. Vous voir comme ça vous affoler sur un tutu. Je pensais pas du tout en fait. Heureusement que ça n'a pas été écrit. Alors, ça vous changeait, Laurent. Hein. Heureusement que ça n'a pas été créé à Cabourg. Quoi? Ça s'appellerait caca, c'est pas terrible. Bienvenue au gros tutu, Thierry. Et dire, c'est Théophile Gautier qui, à l'enterrement, a fait l'oraison funèbre de la danseuse. Vous en êtes compte quand même quel événement. Bernard-Henri Lévy n'était pas libre. Non, mais franchement, et Fabien Lecoeuvre non plus. Et alors écoutez bien cette phrase de Théophile Gautier parce que c'est très joli. Il lui a trouvé son épitaphe, là où elle est enterrée. Je crois que vous pouvez aller voir la tombe d'Emma Livry au cimetière Montmartre, dans la 31e division, parce que. Elle a été rétrogradée au Mercato. Note, Thierry, de 31e division, oui. Ouais. Et là, non, mais parce que l'épitaphe est très jolie. Ô terre, terre, T-E-2-R-E, hein. Ô terre, sois-moi légère, j'ai si peu pesé sur toi. Oh, c'est très joli. Ah. Ça, alors, c'est qu'elle elle a dansé, elle a brûlé, et puis taf. Ô terre. Et puis taf. Il a pas fait exprès. Ah, si. Bon, il a pas fait exprès. Non, mais c'est beau quand même. Oui, c'est bravo, Théophile. Ô terre. On pouvait pas mettre paix à ses cendres. Ouais. Ou alors, Capitaine Flamme, dont tu n'es plus de cette galaxie. Après cette carrière, tout feu, tout flamme. Non, mais c'est joli quand même. Franchement. En plus, du souffrir le martyr, parce que je crois qu'il n'y a rien de pire que les brûlures en souffrance physique. Ah oui. Les grands brûlés, c'est une catastrophe absolue. Et alors à l'époque, on ne pouvait pas mettre de gras, mais aujourd'hui, si je peux me permettre un conseil, à la moindre brûlure, il faut mettre du gras tout de suite. Du beurre même. Ouais, Bernard Mabille, on met avant lui. En tout cas, ça a été, il faut le dire, le début du tutu court, si j'ose dire, et de la dératisation. C'était en tout cas une belle réponse de Christine Bravo. Vous irez là-bas le voir, Christina, en Polynésie? Mais avec plaisir. En plus, c'est un super guide. Il connaît tout. Il doit avoir un super joli bateau à voile, trois mâts magnifiques. On va faire tout le tour. Bon, si on passait à autre chose. Mais j'ai la lumière dans la gueule. J'ai un peu de chagrin parce qu'on va pas se voir pendant un certain temps. C'est vrai, c'est vrai. Ah, j'étais bon. Ouais. J'ai pas cru que j'aurais osé la faire. Mais non, c'est pas vrai parce qu'on a tous décidé de venir pendant l'été vous voir là-bas en Polynésie. Exactement. Exactement en Polynésie. C'est une très bonne idée. Que j'y serais pas. C'est pour ça qu'on vient. Ariel, oui. Vous avez envie de venir en voyage organisé? Bon, je ne suis pas très voyage organisé. Ah bon? C'est vrai. Non. Ah oui? Ça sent qu'Ariel, elle est sac à dos et trek dans la montagne. Ça sent les pâtes au gaz. Mais attends, on te parle, Ariel. C'est l'égérie même du guide du routard. Non, mais pour moi, les vacances, c'est synonyme quand même d'aventure. Ah oui. Traversons la Seine, soyons fous. D'aventure sexuelle, vous voulez dire? Laurent, l'aventure sexuelle, c'est tous les jours. Madame a Koh-Lanta dans la culotte. Et c'est Bernard-Henri qui fait l'épreuve des poteaux. Ariel a pris une petite tenue de collégienne. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Mais non, c'est pas collégienne. Si, il y a un côté un peu Britney Spears. C'est ça. Et Vichy à la fois. Vichy, c'est hommage à Brigitte Bardot. Mais oui. Elle qui a inventé le Vichy. Non, mais ça met, je veux dire, en avant et en valeur votre poitrine. Je crois que je n'avais jamais vu vos seins comme ça. C'est incroyable. Oh, écoutez. Deux obus. Non, mais c'est vrai. C'est incroyable, j'ai jamais vu cette poitrine comme ça, Ariel. Non, mais c'est le blanc qui fait ça. Ah, c'est vrai. Christina a la même. Ma chérie, tu as une belle poitrine. Mais toi aussi. Merci, ma chérie. Et au premier rang. Quand vous aurez fini de vous bouffer la chatte, on pourra peut-être attaquer, non? Avant une citation, on peut peut-être avoir une petite histoire, Jean-Marie Bigard. Bien sûr, justement, tiens, une qui va très bien aller à Ariel. J'en suis sûr, ces deux chiens, ils sont dans la salle d'attente du vétérinaire. Et ils s'ennuient, et donc ils discutent le bout de gras. Et notamment un dog allemand très, très impressionnant, et puis un petit teckel. Et le dog, il dit au teckel, il dit, t'es là pourquoi? Et le teckel, il dit, malheureusement, là, ce matin, on va me couper les couilles. Ah, il dit, merde, mais qu'est-ce que t'as fait? Ah bah, il dit, de toute façon, je le savais, hein, c'est de ma faute, hein, j'avais promis à mon maître, j'avais dit, juré, promis, craché, que je tirerais plus la voisine, la petite teckel d'à côté, et puis l'autre jour, mon vieux, elle sortait du toilettage, elle avait un petit nœud rose dans les cheveux, elle avait un petit juste au corps Vichy, un peu comme toi, et il dit, j'ai craqué. Je fais comme d'habitude, j'ai creusé sous la pelouse, tu vois, la clôture. Là, j'ai couru, et blam, je l'ai attrapé, je l'ai bourré, tu vois. Et donc, on me coupe les couilles. Il dit, et toi? Le deux également, dis-moi, c'est un peu la même histoire, mais moi, c'est ma maîtresse, quoi. Tu sais, je suis très fusionnel avec ma maîtresse. Je dors dans sa chambre. Hein. Quand je dis je dors dans sa chambre, je dors pas sur la moquette, je dors sur le lit, ok? Et là, l'autre matin, elle prend sa douche. Évidemment, elle ferme pas la porte, hein. La savonnette tombe par terre. Elle se baisse pour la ramasser. Elle dit, j'ai vu sa croupe. Là, 3 mètres de moi, j'ai fait comme toi. J'ai pris mon élan, je l'ai chopé par les hanches. Et le tégal, il dit donc, on te coupe aussi les couilles. Il dit non, moi, on me fait que les griffes. Ah non, elle est bien. Elle est bien. Ben voilà, Ariel, c'est ça l'aventure. Non, en fait, je préfère le teckel qui gratouille sous la palissade et qui passe de l'autre côté. C'est plus mignon. C'est plus mignon, que oui. L'autre partie de l'histoire. Oui. Du coup, elle va acheter du gel douche pour pas prendre de risque. Hein. Une citation, et ce sera pour Charles Husnet, qui habite Paris 15e, qui a dit, on peut parler à quelqu'un dans le train, mais il est plus correct de lui parler dans l'oreille. Jean-Yann, non. Jacques Martin, non. Il est mort. Quelqu'un qui est mort il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans, en 2015. Un humoriste? Humoriste, pas vraiment, mais il était amusant parce qu'il avait de l'humour. Animateur radio? Animateur radio. José Arthur? José Arthur, bonne réponse de Florian Gazan. Question zoologique pour Laurent Baffy. Vous y avez le droit, Laurent. Merci, Laurent. Et cette question concerne un poisson qui s'appelle le Serranus tortugarum. Ah oui. Et le Serranus tortugarum fait quelque chose 20 fois par jour. Que fait-il ? L'amour. Non. Alors, non, non. Mais 20 fois par jour, qu'est-ce qu'il fait, ce poisson ? Caca. Caca, non. Il se noie. Il se noie 20 fois par jour. C'est pas du sexe, même si c'est un peu lié au sexe. Enfin, si, c'est du sexe. Mais enfin, c'est pas de l'amour. Je sais pas comment vous expliquer. Il se masturbe. Il fait des œufs. Met sa laitance sur les œufs. Voilà. Alors, non, c'est vrai que c'est un poisson hermaphrodite, il faut le dire, qui produit à la fois des ovules et des spermatozoïdes en même temps. Ce qui est il change de sexe 20 fois par jour. Il change de sexe 20 fois par jour. Bonne réponse de Laurent Baffy et Isabelle Mergon. C'est pas le record, hein. C'est pas le record? Non, le record, c'est le morpion. Je vais vous dire, il y a un connard qui m'a obligé à rester toute la soirée devant ma télé. Il s'appelle Jacques Perrin. Et il a fait un film sur les océans. Très beau. Oui. Ouais. Très beau, mais tu te fous de ma gueule. Ah non, magnifique. Non, non, magnifique. Mais tu t'es trompé de chaîne, t'as dû regarder le patin à glace avec mais Zitrone. Mais non, il n'y a pas un mot d'explication. Tu as deux escargots en train de faire l'amour, tu comprends rien. Dans les océans, c'est magnifique. Non, c'est le plus beau film qui a été fait de tout temps sur mais la mer. Comment est-ce qu'on peut être intellectuel, Moins intellectuel, non, mais tu arrêtes. Ah non, mais comment tu peux dire ça? Ah, ça va, on ne parle pas comme ça. Non, c'est un film magnifique. Quand même, mais je m'en fous, je suis pas venu pour voir de la beauté, je suis venu pour qu'on... Nous non plus, je te rassure. c'est pas un film scénarisé. C'est de l'esthétique pure. Mais non, c'est de la... C'est de la contemplation. Voilà. Et ce soir-là, t'avais bu du rhum ou de la vodka? Ouais. Mais le... C'est un film, il y avait trop d'eau pour toi. Mais c'est ça. Une question pour Monsieur Grégory Adam qui habite Buvrine. Et c'est dans l'Express qu'on nous apprend aujourd'hui qu'il y a des cours un peu particuliers dans la région du Béarn. Et il faut le dire, ces cours-là sont des cours où on apprend une langue. Mais quelle langue ? La des signes. La langue des signes, non. C'est pas mal. Béarnais ? Le béarnais, non, alors vous voulez dire, pardon, évidemment, basque. L'occitan, en quelque sorte. Mais oui, oui, oui. Le braille. Le braille, non. Quelle langue? L'espéranto. L'espéranto, non. C'est une langue. Un langage, en un tout langage. Cas. Ah, un langage. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ah, pour parler animalier. Avec un langage des animalier. La langue des signes, non. C'est non, pour avec parler... des animaux. Avec comme des Blanche, animaux, non. Comme Blanche-Neige. C'est pour parler avec des extraterrestres. Pour parler avec des extraterrestres, non. Non. Le morse. Le morse, non, mais on s'en rapproche un peu. Pas un langage informatique, quand même. Un langage informatique, non. La fumée. La fumée. Comme les Indiens. C'est pas bête, on se rapproche. Ah, le tam-tam. Le tam-tam, non. On le fait avec son corps. On le fait avec son corps. C'est à l'école primaire, au collège et même bientôt à l'université qu'on va enseigner ce langage. Le télégraphe. Le télégraphe. On le fait avec son corps. On le fait avec son corps. Waouh. Ah, on parle avec son corps. Le sémaphore. Le sémaphore, non. Avec son corps. La danse indienne. La danse indienne, non. La toux. On siffle. Le langage du sifflet, du sifflement. Bonne réponse d'Isabelle Mergaux. C'est-à-dire. Et alors, on fait quoi avec ça? Et est-ce qu'il y aura un cours Micheline Dax ou pas? Ben, on parle en morse comme ça? On va demander à monsieur Harip. René Harip, bonjour. Oui. Bonjour. Alors, vous, dites donc, quand on vous siffle, vous ne venez pas tout de suite, vous. Non, non, non. Surtout quand on me siffle mal. Alors, on s'excuse, on siffle pas avec l'accent béarnais. Alors, dites-moi comment on doit siffler quand on appelle quelqu'un. Alors, faites-le nous. Ah ben écoutez, vous êtes très mal tombé parce que moi, effectivement, moi j'ai écrit un livre sur les siffleurs d'Az et surtout j'ai eu l'opportunité d'interviewer les derniers siffleurs d'Az qui il y a très longtemps qui sont décédés, dont mon père. Je n'ai jamais appris à siffler et pour cause, seul ne savait siffler que ceux qui en avaient la nécessité, c'est-à-dire essentiellement les bergers. Monsieur René Harip a écrit les siffleurs d'Az, il s'est intéressé. Oui. Au langage du sifflet ou du sifflement, je ne sais pas comment vous préférez qu'on dise d'ailleurs, le sifflet ou le sifflement. Le langage sifflet. Le langage sifflet. Oui. Mais est-ce qu'on peut dire beaucoup de choses en sifflant? C'est ça la question. C'est pour faire bouger les animaux, en fait. Non, c'était véritablement un moyen de communication. Et au niveau de la bouteille, comment on la siffle? C'est un langage essentiellement lié au monde pastoral. Donc, si vous voulez, tout ce qui avait trait au pastoralisme, on pouvait le siffler, c'est-à-dire le nom des lieux, le nom des bêtes, et tout ça. Quand même. Mais oui, tout ça pouvait siffler. On prévenait quelqu'un dans la vallée, par exemple. On pouvait prévenir quelqu'un d'un danger ou au contraire... Jusqu'à 2,5 km, si on sifflait bien. Tout à fait, au téléphone, je vais vous interrompre, je vais vous couper le sifflet, monsieur René Harip, parce que j'ai un membre de l'association Les Siffleurs d'Az dans les Pyrénées-Atlantiques qui s'appelle Théo Perrusquet. Bonjour Théo. Bonjour à tout le monde. Vous, je peux vous demander de siffler, vous alors? Ben oui, je peux siffler, peut-être pas comme les siffleurs d'Az autrefois, mais... Ça doit se rapprocher beaucoup. Alors attendez, par exemple, dites-moi bonjour en sifflant. Je vais pas vous dire bonjour en français, je vais vous dire bonjour en béarnais, ce qui se dit à 10 chattes. Bien sûr. Oh, c'est long. Ça c'est bonjour. Il y a la réponse avec, mais... Et au revoir pour faire la différence avec bonjour. Ah, c'est pas pareil. Ah ouais. C'est beau, plus rapide. C'est beau, par contre. Magnifique. Il faut pas confondre. Et comment on dit j'ai faim? Ça, c'est j'ai faim. Ça, c'est je vais tuer l'oiseau. Ça. Voilà les Allemands. Comment on dit voilà les Allemands? On peut dire attention, caribon. Alors, allons-y. Attention, ils arrivent. Ah. Comment on le dit, ça? Ah, vous avez faim, là, non? C'est plus long. Ah, c'est super. C'est beau, hein? C'est beau. C'est joli. Alors, c'est sûr qu'avec l'arrivée du portable, c'est moins utile. Évidemment, mais peut-être que dans les montagnes, le téléphone portable ne passe pas toujours. C'est bien ça, monsieur Perrusquet? Il y a toujours des zones blanches, vous le savez bien. Et voilà, et c'est à ce moment-là qu'évidemment, on peut... Comment on dit LOL en sifflant? on ne dit pas. On ne dit pas. On va vous remercier tous les deux, monsieur Théo Pérus, qui est membre de l'association L'Ossulaire d'As, qui, voilà, effectivement, apprend à siffler, monsieur René Harip, qui a édité Les Siffleurs d'As, puisqu'on enseigne ce langage dans les Pyrénées. Bravo à tous les deux. Pour Michel Simonet, qui habite Mions, c'est dans le Rhône. Quel article paru dans la presse commence par cette phrase? Prenez une surface équivalent à une feuille de papier A4. Ça parle de politique? C'est, pour la c'est sur la politique? Ce n'est pas sur la politique. Évidemment, je vous demande le sujet de l'article. Vous avez bien compris. On le cherche. Ah, oui. Pour faire une déclaration? Non, pas pour faire pour une déclaration. Pour plier la feuille. Pour plier la feuille, non, ça c'était une question. C'était hier. Une question hier. Bravo Chantal, vous suivez. Oui. Vous avez essayé en rentrant chez vous de bien sûr, toute la nuit. De plier une feuille? De plier une feuille, pas plus que cette fois. Et alors? Eh ben, ça n'a pas marché. Alors? Alors? C'est pour faire un dessin dessus? Pour faire un dessin dessus, non. Pour écrire quelque chose dessus? Non plus. C'est un papier paru aujourd'hui dans la presse, signé Frédéric Mouchon. C'est assez malin d'ailleurs son article. Ça, c'est dans le Parisien alors. C'est dans le Parisien et il démarre. Ah, vous connaissez tous les noms des journalistes, oui. Vous. Et vous avez raison, monsieur Mouchon travaille au Parisien. Et Frédéric Mouchon démarre son article par cette phrase. Prenez une surface équivalent à une feuille de papier à 4. Ah, c'est pour les poules en batterie. Pour les poules en batterie. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Okay. Quelle horreur. Expliquez. Expliquez. Ça va être supprimé. Expliquez. Parce que c'est justement, c'est ce qu'a, c'est la place qu'a une poule en batterie. Oui. Non, oh non, des œufs. Exactement. Elles sont 48 millions. 47 millions oh, de j'étais poules. J'étais pas bien loin. 47, à un million près. Non, 47 non. millions de poules qui pondent effectivement. Et j'ai les noms. Comment ça? Elles pondent sur une surface équivalent à une feuille de papier A4. Voilà comment il démarre. C'est pas mal son papier. Il démarre son article, monsieur Mouchon, en disant « Prenez une surface équivalent à une feuille de papier A4 ». Entourez-la de grilles, puis enfermez-y une poule. Elle ne verra jamais le soleil. C'est ainsi que vivent 68% des 47 millions de poules pondeuses françaises qui vivent dans des cages à raison de 18 poules au mètre carré. Et voilà pourquoi ça fait une poule par feuille de papier A4, ce qui paraît incroyable. Horrible. D'où, évidemment, l'intérêt de regarder ce qu'il y a décrit sur les œufs. Zéro, je vous le dis, voilà, 0 ou 1, ça va. 0, c'est bio. 1, ça veut dire poule élevée en plein air. 2, c'est poules élevées au sol. Et 3, alors là, méfiez-vous, poules élevées en cage. Surtout que c'est pas plus cher, en fait, de les, d'acheter à 0 ou à 3. Ah oui, c'est vrai. Pas beaucoup non, plus, pas beaucoup. Mais Auchan a décidé de ne plus, c'est Auchan, je crois, qui a décidé de ne plus, vendre des œufs de poules en batterie. Vous regardez, vous, alors, quand vous achetez des œufs, si c'est marqué 0, 1, 2 ou 3, ce qui dit. Ah, mes œufs viennent de la ferme. Moi, je passe même pas le circuit, supermarché. Mais ça veut pas dire que c'est pas de la batterie. Comment ça, vous allez à la ferme? Oui, bah oui, on a, il va au cul de la poule, on dirait. Comment ma mère, enfin, sa collègue de travail, on il a des œufs fermes. Voilà. Il paraît qu'il a attendu 3 jours au cul d'un coq. Et il a fini par pousser. Non, mais c'est vrai que une collègue de ma mère qui a une ferme nous donne des œufs frais de la ferme. Ah mais oui. Sinon, j'achète. Donc il n'y a rien écrit dessus dans ces cas-là. Non, il n'y a rien. Ah non. Et puis la différence entre un œuf qui arrive de ma ferme et puis un œuf. Par exemple, on a fait des crêpes avec ma copine Fanny, enfin bon. J'avais pas assez d'œufs, elle a ramené des œufs. Et bien la différence des jaunes d'œufs entre ceux qui viennent du supermarché et ceux qui arrivent de la ferme, les miens, pas c'était un jaune, mais jaune rayonnant, magnifique. Elle, c'était un jaune pâle, dégueulasse, un peu abstrait. Mais voilà. C'était pas pour Pâques, alors. C'était, non, c'était, c'était pour faire des crêpes. Si c'était des œufs faits par Stevie et Epiphany. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Bonjour Carole. Bonjour Monsieur Ruquier. Bonjour Madame Keklar, c'est votre nom. Ah, vous le dites bien, c'est bien. Ah, ben je le dis bien. Ben, je fais comme si je vous connaissais depuis toujours. Oui, mais Carole. C'est très rare, donc c'est très bien. Ah, mais je suis très doué pour mal prononcer. Comme il se prononce mal, votre nom, eh bien, je l'ai bien fait. C'est gentil. Vous habitez Morcourt dans les Yvelines et que faites-vous dans la vie? Je suis conductrice de métro. Conductrice de métro. Dans les Yvelines. Ah, ça c'est intéressant. Alors, c'est vous qui faites attention aux petits lapins pour pas qu'ils se prennent les doigts dans la porte. Exactement, c'est ça. Carole, vous allez pouvoir partir. Qui sait si vous gagnez évidemment au challenge face aux grosses têtes, gagner un week-end de 2 nuits au Pullman Marseille Palm Beach, le fameux hôtel 4 étoiles qu'on connaît tous ici. D'ailleurs, quand nous nous sommes déplacés avec les grosses têtes à Marseille, nous étions logés au Pullman Marseille. Magnifique hôtel sur la mer, aux chambres sur la mer. Ah c'est beau. Et le restaurant, la réserve. Gratter à ma porte toute la nuit. Oui, je me rappelle, c'est vrai. Ouais, parce qu'il est trompé de chambre. On avait bien rigolé quand on était allé en boîte avec Laurent. Ah oui, c'est vrai. Oui, tu sais, dans ce, avec Pierre Bénichoux. Dans ce petit bar avec Pierre Bénichoux. Oui. C'était rigolo. Moi, j'ai un souvenir épouvantable dans cet hôtel. Ah. Figurez-vous que je vais passer une journée là-bas à Marseille et je dors dans cet hôtel. Et puis, ma chambre avait une double porte. Je réalise, après m'être déshabillé complètement à poil, que je n'avais pas mis le carton pour mon petit déjeuner. Et alors, j'ouvre la porte, la première porte, et j'ouvre la seconde porte. Le sguet galère. Et la première porte se referme. Et je suis dehors, complètement nu, sans clé. Oh là là, et alors, le vieil exhibitionniste qui se balade dans les hôtels comme mais ça. Regardez, regardez ma saucisse, c'est de la merde. Et ben, vous allez gagner un week-end à l'hôtel Coulmol. Je ne te raconte pas la fin de l'histoire puisque tu m'as coupé dans mais mon histoire. Si, si, si. On veut la suite. On veut la suite. Mais t'es re-rentré à un moment donné. Non, il est resté trois. Il a fallu que je descende à l'accueil. Alors, j'étais au 4e étage. Donc, je n'allais pas descendre à pied. Donc, par l'escalier. Donc, j'ai pris l'ascenseur. Alors, j'étais devant la porte de l'ascenseur, qui est évidemment un ascenseur vitré. Donc, c'est vrai qu'il est vitré. Mais oui, et alors, trois étages se marrent encore. Et vous savez comment c'est quand on est à poil? On a une main devant, une main derrière. Et au bout d'un moment, je me suis dit... Faut appuyer sur le bouton. Si on voit mon cul, ça n'a pas d'importance. Comment je vais faire? Si on voit mon cul, ça n'a pas d'importance. Je vais mettre mes deux mains devant. Prétentieux. Et là, en bas, une immense glace. Alors, je suis tétanisé parce que l'a pris au piège. Et alors, je longeais, je me souviens, je longeais le long du mur, le cul contre la glace, ça mes deux mains froid. Devant mon sexe, et je faisais pss, pss, pss. Parce que j'appelais un chasseur, j'appelais un petit gars qui était derrière le pour comptoir. Pour vous faire tirer. Personne ne voyait. Au bout d'un moment, il y a enfin un mec qui boit. Et alors, je faisais un signe comme ça, je bougeais ma main. Alors, le mec devait croire que je voulais te branler ou je m'en fous. Je vais pour chuchoter, c'est-à-dire, je mets mes deux mains autour de ma bouche. Non, il avait mis le panneau ne pas déranger sur sa bite. Et je dis, don't master. Une clé, monsieur. Je crie, une clé, monsieur. Et le type me dit, je viens. Il dit, donnez-moi la clé. Non, non, monsieur, je vous accompagne à votre chambre. Je dis, mais non, monsieur. Finalement, je suis monté avec le jeune homme qui m'a ouvert la porte, que j'ai claqué sous son nez, et je suis rentré chez moi. Dans ma chambre, et je me suis couché, allongé, et seul. J'ai enfin respiré. Toujours en ligne avec Caroline Cléclair, à cause de vous, Jean-Pierre Coff. C'est toujours Carole, par contre. C'est Carole. J'ai dit quoi ? Caroline. Caroline, pardon. C'est affectueux. Excusez-le d'avoir choisi un plus joli prénom. Oui. Carole. Oui. Vous avez patienté pendant l'anecdote de Jean-Pierre Coff, oui, vous n'aurez pas patienté pour rien. Il est maintenant temps de le gagner, ce fameux séjour à l'hôtel Pullman Marseille, Palm Beach, où il y a encore des photos de Jean-Pierre Coff un peu partout sur les murs, des traces de son passage en tout cas. Mais les traces de fesses sur les miroirs. Il y a de l'ADN de fesses sur les boutons de l'ascenseur. Attends, si les experts viennent, ça va être terrible. Les experts Marseille. Je vais vous donner une adresse, Carole, et il va falloir me dire pourquoi cette adresse est revenue dans l'actualité, le 55 boulevard Schumann. Bah, c'était la maison, c'est à Nantes, c'était la maison de Xavier Bulgonès, non ? Et alors, et pourquoi on en reparle de cette maison ? Bah, elle a été vendue, je crois. Et bonne réponse de Carole, bravo. Rapide, Carole. Hein. La efficace. Fameuse maison des Ligonnès, la fameuse famille Ligonnès, dont on recherche toujours évidemment le père, Xavier Dupont de Ligonnès. Dans la famille Ligonnès, je recherche le père. Faut pas dire pioche, hein, en revanche. Non, faut dire creuse. Quand tu cherches les autres. Quelle horreur. Mais quand même, faut être courageux pour racheter cette maison. Elle devait pas être trop chère, c'est l'avantage. Elle a dû être bradée. Vous l'achèteriez, vous, Carole ? Ah non, sans façon, merci. Alors, vous croyez aux fantômes, vous ? Je crois en beaucoup de choses. Après, les fantômes, je sais pas, mais ça doit être un peu morbide quand même. Carole, en tout cas, on vous applaudit. C'est une bonne réponse. Bon séjour à Marseille. My heart knows it better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh-hoo, ooh-hoo. But the big black car said, look this way. He said, hell and day, will you marry me? Ooh-hoo, ooh-hoo. But I said, no. The one for me. Ooh. And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh. Ooh. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh. Ooh. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh. cause it's all so happy and now I got a hole for the world to see. Ooh. Yeah. Ooh. And it said no, no, no, no, no, no. Said no, no, you're not the one for me. Qui a dit « J'adore le blackjack, mais je ne suis pas accro au jeu, je suis juste accro aux tables semi-circulaires. » C'est intéressant comme phrase. Américain. C'est nul. Ah oui, c'est surréaliste, mais ça correspond bien à la personne qui l'a dit. Un Américain ? Un Américain, non. Un Anglais ? Un Anglais, non. Ça a été prononcé en français. Donc ça a été prononcé en français. Un français. « J'adore le blackjack, mais je ne suis pas accro au jeu. » Jean-Yann ? Moi, je trouve ça drôle, hein, pardon, mais... Est-ce qu'il est vivant ? Mais c'est quelqu'un qui était accro au jeu. Ah oui, oui. Darry Cole. Darry Cole, bonne réponse d'Elie Semoun. Je suis Darry Cole. Bravo. Ah oui. Petit canaillou. Petit canaillou. Petit canaillou. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est très bien. Très, très bien. Ah, j'ai trouvé des imitateurs pires que moi. Petit canaillou. Petit canaillou. Petit canaillou. Il est très bien. C'est pas lui celui-là. En tant que maire de Paris. C'est un scandale. Oh, qui sont oh, les imitateurs de merde. Oh, faites gaffe, il y en a un qui va faire de Gaulle. Arrêtez, arrêtez. Ah, vous d'œil. C'était quoi ça? Je vous ai de Gaulle, oui. Appelez-moi dirait, Dieu, appelez-moi Dieu. On dirait les fins d'apéro au camping pour le coup. Oh, ah, vous faites toutes les voix du bébé de show. Ah oui, oui, je suis resté à Jean Roucas, moi. Par exemple, Georges Marchais, c'était comment? Gré, c'est un scandale. C'était magnifique. C'est les voix et les phrases. Il y a des phrases oui, style, oui. Tu sais, écoutez, c'est un scandale. Et Raymond Barre, c'était comment Raymond Barre? Fou. Et puis après, t'avais toujours Giscard et en faisant comme ça, tous ces décrits, c'était bien. Et il y avait aussi, comment il s'appelle, Krabzuki. Comment il faisait Krabzuki? Il y a grève. C'était juste ça. C'était tellement... Regarde, le public s'en souvient. Pas les jeunes, hein. Pas les jeunes. Le public ne s'en souvient pas, Christophe, il se moque. Pour votre véhicule d'occasion, vous pouvez aller chez Nissan ou peut-être risquer ça. Vous voyez, elle a 5 ans et elle est impeccable. Et le moteur a été refait à neuf. C'est bizarre ce bruit, non? Non, ça c'est normal, c'est le clignotant. Et la fumée, c'est normal aussi? Vous voyez, de la fumée. Où ça? Et pendant la semaine de l'occasion chez Nissan du 4 au 10 juin, profitez de la prime à la conversion de 1000 euros sur les crossovers Nissan Juke, Qashqai et X-Trail. Nissan, innovez autrement. Prime à la conversion 1000 euros et reprise véhicule suivant réglementation pour l'achat d'un crossover Nissan éligible, occasion de moins d'un an. Nico, fais ta valise, je t'offre un billet pour Venise. Oh, t'es vraiment un pote, mon Lolo. Eh, attends, et un billet pour Berlin aussi, hein. Mais épouse-moi, vas-y, on cale une date. Vas-y, préviens ta mère. Cet été, partez plutôt deux fois qu'une. Avec EasyJet, l'Europe est à partir de 35 euros. Conditions sur EasyJet.com. Pendant le mois de l'utilitaire Nissan, c'est le moment de recruter un nouvel équipier. J'adore bosser avec lui, il est super efficace. Mais de qui tu parles, ton nouvel apprenti? Non, de mon nouveau Nissan Navara. En plus, il est sans apport, comme toute la gamme utilitaire Nissan. Pendant le mois de l'utilitaire, le pick-up Nissan Navara et toute la gamme utilitaire Nissan sont sans apport, sans malus et toujours avec la garantie 5 ans. Nissan, innovez autrement. Offre valable jusqu'au 30 juin, sauf INV200 fourgon. Réservé aux professionnels, garantie constructeur 5 ans, 160 000 km, sauf INV200. Détails sur Nissan.fr. Une question pour Monsieur Guillaume Herbé, qui habite Cherbourg-Octeville dans la Manche. Je vous préviens, les questions sont difficiles aujourd'hui. Je ne voudrais pas, pour ma station, qu'on dépense tout de même trop de chèques de 300 euros. Je comprends, mais pourquoi ça change rien? Vous avez racheté RTL? C'est vrai que c'était M6 qui avait racheté. Non, non, c'est lui, c'est lui. Pour ma station, non. C'est peut-être Laurent qui a une station. Bah, c'est ma station, c'est la vôtre aussi, Monsieur Mabille. Ah non, moi j'ai une station, c'est le métro. Moi. Vous pensez qu'un chèque de 300 euros peut mettre RTL en péril? T'as plusieurs, oui, au bout d'un moment, vous voyez. On vient d'en dépenser. C'est la crise. Sur Underwood, franchement, il fallait trouver Underwood. Des hein. tas d'auditeurs qui ont vu la série auraient pu répondre, eux, à votre ah, place. Oui, ouais. Et la question suivante n'est pas facile non plus. C'est une phrase que je vais vous livrer. Me voici toute mignonne, je suis une nébuleuse. Mais à quoi sert cette phrase qu'on peut lire dans la presse aujourd'hui? Bah, c'est Jean-Phi. Non. Je suis une nébuleuse. Elle sert peut-être pour la calligraphie ou pour... Du tout. Non, c'est une planète. C'est les nouvelles planètes. Oui, c'est pas des trucs d'étoiles. Ça serait pas les nouvelles planètes. Alors, expliquez, monsieur Mabie. On a découvert 5 planètes ou 6 planètes. Pas du tout. Vous étiez tout près, merde, là. On a découvert un autre système solaire. C'est la Voie lactée. Ah oui, c'est l'ordre des planètes. La Terre, Mars, la Terre. Me voici toute mignonne, je suis une nébuleuse. C'est un moyen mnémotechnique pour se souvenir du système solaire. Alors, donc, de combien de planètes ? 7. Non, parce que maintenant, il y a une planète de plus. Pluton a été déclassé. Exactement, Pluton n'est plus une planète. Alors, pourquoi on a déclassé Pluton ? 8 planètes, je vais vous accorder la bonne réponse. Bonne réponse de Laurent Baffie, aidé par Bernard Mabille. Ah, merci Laurent. Alors, Mercure, Vénus, attendez, me voilà toute mignonne. Je suis une nébuleuse. Ça vous permet de vous rappeler des planètes dans l'ordre de distance en partant du Soleil. Me voici toute mignonne, je suis une nébuleuse. Retenez cette phrase, ça vous permet de vous souvenir que c'est Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. C'est quand même bien fait, les planètes sont mises dans le sens qu'on peut faire une phrase. Me voici toute mignonne. Avant, on disait me voici toute mignonne, je suis une nouvelle planète. Parce qu'effectivement, ça permettait de se souvenir de la 9e Pluton. Mais Pluton a été déclassé depuis. Parce, parce qu'on s'est aperçu que c'était pas une planète. Voilà. Ah bon, c'est un amas de matière. Ah bon, un amas de matière gazeuse. Non. Là, il parle de Bernard. Là. Ça s'appelle un prout. Vous parlez toujours de moi, là ? C'est depuis toi, là. Toujours est-il que si on peut lire cette phrase dans la presse aujourd'hui, c'est parce qu'on est à la recherche de la vraie 9e planète du système solaire. Et la NASA fait même appel à vous, à nous tous, pour essayer de retrouver cette planète. Il suffit d'aller sur le site internet collaboratif Zooniverse. Et là, vous allez voir des tas de photos, des photos du ciel. Et c'est à nous d'essayer de trouver cette 9e planète. Les Américains aimeraient évidemment pouvoir... l'a trouvé eux-mêmes, cette planète, afin de concurrencer les autres pays qui, eux, avaient détecté les 8 autres, car jamais ce ne sont les Américains qui ont découvert les planètes de notre système solaire, qui, pour l'instant, ont toutes été découvertes par des Européens. Voilà pourquoi les Américains lancent cette opération. Oui, mais enfin, ce sont les premiers à avoir mis le pied sur la Lune. Et depuis, il y en a eu des pieds posés sur la Lune, je te le dis, mon frère. On l'appelle la P9 pour l'instant. Ouais, oui. La P9, oui. Cette 9e planète. Proxima, non ? Oh, je sais pas. C'est Centaure. Non. Mais il faut qu'on la cherche, c'est ça ? Mais oui, il y a des milliers de photos du ciel qui ont été prises par le télescope WISE et l'agence spatiale américaine met à disposition toutes ces photos pour qu'on essaie de repérer. Parce qu'eux ne sont pas arrivés, mais nous, c'est on quoi, c'est, un... c'est ça que je ne comprends ils pas. Ils font pas chier les astronomes. Ils ont regardé les photos, ils n'ont pas trouvé la planète et ils nous les donnent pour que nous... Et qu'est-ce qu'on gagne ? C'est quoi ? C'est l'autoplanète ? C'est un jeu international ou quoi ? On gagne un séjour à Saint-Malo ? Non mais c'est vrai que vous avez raison, Stéphane Plaza. C'est absolument logique ce que vous dites, mais c'est toujours logique. Moi-même, je n'ai pas compris en lisant ça, mais c'est vrai, je me suis dit, mais si eux ils la trouvent pas, pourquoi nous on la trouverait en regardant toutes ces photos. Il y a des milliers d'astronomes amateurs sur la Terre qui toute la journée ne font que ça, et statistiquement, il y a peut-être quelqu'un qui va trouver la planète. Ah, vous croyez que c'est ça alors hein ? Il faut qu'on trouve un éclat insolite, un mouvement inhabituel. Un éclat. Est-ce que la planète portera le nom de son découvreur ? Vous aimeriez, Bernard ? Ah oui, la planète Jean. Il y aura beaucoup d'orbites. La Lune, on dira plutôt la Lune Jean-Phi. La planète Jean-Phi. Non mais vraiment, ce mec, on l'a connu modeste. Et maintenant, il voyage en business, il envoie les cassolettes par terre. Il veut son nom dans le système solaire. Ça s'appelle le boulard. Franchement, Ariel, si je la découvre, je lui donne votre prénom. Ariel, ce serait tellement joli comme nom de planète. Mais écoutez, j'adorerais. Déjà, on a donné... mon nom à une rose qui est plantée dans le jardin de Bagatelle. C'est pas vrai. Et ça, ça m'a fait un plaisir fou. Elle est là, vous pouvez aller la voir. Elle s'appelle Ariel Dombal. Oui, oui. J'ai pissé dessus l'autre jour. Mais... Oui. J'ai pissé dessus. Oui. Enfin, monsieur Mabille. T'aurais pu dire, j'ai arrosé Dombal. Ah bah, j'ai arrosé Dombal. Pas pissé dessus. Mais enfin, c'est honteux, vous vous rendez compte. Honteux. Parce que je faisais... Et après, t'as chier pour faire de l'anglais. Mais j'ai honte. Oh, c'est grave. Je vous explique. Je faisais un gala dans les jardins de Bagatelle, et je cherchais les toilettes. Je n'ai pas trouvé les toilettes, donc je suis allé uriner dehors, et effectivement sur une rose. Non, mais c'était pas la mienne. En fait, Ariel, j'adore quand vous reprenez votre, et ça vous arrive régulièrement, votre voix de petite fille. Non, mais là, quand même, je suis tellement... C'est un de mes titres de gloire, d'avoir une rose, quand même, qui porte mon nom. Ouais. Et puis, il vient de dire cette horrible chose. Franchement. Mais c'est très beau, le il faut laisser pisser. Parler la nature, Ariel. Parler la nature. Parce qu'elle parle la vôtre. Enfin, elle fait du bruit en tout cas. En tout cas, lui parle. Et il lui parle. Oui, souvent quand il pisse, il y a un bruit annexe. T'as pas voulu bander hier, tu ne pisseras pas aujourd'hui. Votre sexe vous a dit quoi? Il y a longtemps que j'avais pas vu la bagatelle. Non, mais en plus, il faut faire attention, quoi, parce que quand on va à Bagatelle... Qu'est-ce qu'il y a, la rose a des épines. Il y a un sentier très mal fréquenté autour de Bagatelle. Ah oui, c'est ça quoi, veut dire quoi mal fréquenté? Eh bien là, vous auriez, vous auriez... Là, on te tient la tige. Vous auriez pu montrer votre chose dans le sentier. Tu appelles ça ma chose. Ariane, faut... c'est toujours joli, un peu de muguet parmi les roses. Tout de suite après les infos, la suite des grosses têtes de Laurent Ruquier. RTL, il est minuit. 24 heures d'infos avec Céline Landreau. De nouvelles perturbations en perspective à Air France. L'intersyndicale annonce une nouvelle grève pour les salaires du 23 au 26 juin prochain. Un appel susceptible d'être levé ou renforcé selon les annonces faites par la direction. La présidente d'Air France par intérim, Anne-Marie Coudert, a promis des réponses concrètes sur cette question des salaires dès jeudi prochain. Après 19 jours, la grève de la faim des salariés de l'hôpital psychiatrique du Rouvray a pris fin à Rouen. Ils dénonçaient une surpopulation chronique et une dégradation des conditions de travail et d'accueil. Un accord a été trouvé avec la création de 30 postes. L'intersyndicale en réclamait au départ 52. Division affichée à la Malbaie au Canada où se tient actuellement le G7 sommet. Sous tension entre les États-Unis et ses partenaires, le Canada estime ainsi que les tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium instaurés par Donald Trump sont illégaux. Le président américain qui a affiché, lui, son souhait de voir la Russie revenir autour de la table des grandes puissances. Mais les Européens s'y opposent. Ne dites plus avenue Kennedy, mais avenue Jacques et Bernadette Chirac à Brive-la-Gaillarde. La sous-préfecture de Corrèze, département cher à l'ancien président, a renommé l'une de ses avenues au nom de l'ancien couple présidentiel. Inauguration pour laquelle Bernadette Chirac avait fait le déplacement en compagnie de sa fille Claude. Le sport est le dernier match de préparation pour les Bleus. Ce soir, l'équipe de France affronte les États-Unis à Lyon. Dernier rodage avant de décoller demain vers la Russie pour le Mondial. Match à vivre évidemment sur votre antenne, club RTL mondial dès 20h et jusqu'à minuit. Le 15 de France, lui, affronte la Nouvelle-Zélande en test match. Coup d'envoi à 9h35 ce matin, heure française. À suivre aussi ce samedi la finale dames à Roland-Garros. Simona Halep affrontera Sloane Stephens. Demain, dimanche, Raphaël Nadal tentera lui de décrocher une 11e couronne porte d'Auteuil. Ce sera face à l'Autrichien Dominic Thiem. Le temps, prudence, toujours dans le nord-ouest, 8 départements sont en alerte orange aux orages. Le nord de la Bretagne et des Pays de la Loire, mais aussi la Basse-Normandie. De violents orages, parfois accompagnés de grêles et de fortes précipitations, sont attendus cette nuit puis toute la journée. Ils gagneront dans l'après-midi la façade ouest. Dans l'ensemble, à l'est, plein soleil ce matin avec un risque orageux isolé. Plutôt en fin de journée sur la moitié nord et en montagne, les températures cet après-midi de 21 à 29 degrés de Brest à Lyon. Il fera 25 à Bordeaux, 27 à Paris et à Clermont-Ferrand ou encore 28 degrés à Strasbourg. Les courses à Vincennes, Bernard Glass vous propose de jouer le 10, le 12, le 18, le 6, le 7, le 16, le 17 et le 8. Sa dernière minute, c'est le 8, Angèle d'Or. RTL, 24 heures d'info. Sur RTL, tout de suite, les meilleurs moments des grosses têtes. C'est à ne pas manquer. Une question pour madame Weinfeld, Laura Weinfeld, qui habite Buenos Aires. Vous rendez compte, on nous écoute en Argentine. Oh là oui, là. Grâce à Internet aujourd'hui. Alors, on enverra un chèque de 300 euros là-bas, en Argentine, si vous ne répondez pas à cette question. Il y a des chances, hein, c'est une Don't question. Don't cry for me, Argentina! Oh, la maison! Mais la maison pénible arrête pas de livrer aujourd'hui. Hein. Ah, vous lui offrez, je dois dire, un rôle en or à Péroni. Vous allez finir ensemble, beau grand Péroni. On va finir aux têtes des deux ânes, je te le dis. Un rôle d'Émaude. Qu'est-ce que c'est pénible. S'il y a bien un truc que j'aurais jamais imaginé comme duo, non, il faut le dire, quand même, cette nouvelle saison des Grosses Têtes nous promet des moments incroyables parce que Péroni et Beaugrand, alors oui. Je dois dire, s'il y a bien deux personnes que j'aurais jamais cru, c'est la rencontre au sommet, je pense, on peut le dire. Tu veux un massage, Jean-Jacques? Tu veux ma main? Et toi, tu veux ma main dans ta gueule? Une question culturelle. Là, ça ne pourra pas vous inspirer de chansons, j'en suis sûr. C'est dans Marianne qu'on nous... Mais que Marianne était jolie quand elle marchait dans les rues de Paris. C'est dans Marianne qu'on nous dit que cet homme a vécu avec mademoiselle Athénaïs, mis à l'arrêt de 30 ans, sa cadette. Et cet homme, on nous conseille de le relire aujourd'hui dans Marianne. Homme du 19e siècle, disparu en 1874, ses livres et ses poèmes sont devenus cultes aujourd'hui. L'auteur classique peut-être le plus aimé, une réédition. Ah non, je vais pas vous dire qu'est-ce qu'on réédite en ce moment de lui, parce que ce serait peut-être trop facile. Et dis pas où il est né non plus. Dites-le juste à Jean-Jacques. Ni où il est mort. il le sait déjà. Est-ce que c'est un auteur français? Ah, évidemment, un auteur français. Valéry. Il avait épousé cette jeune institutrice de 30 ans, sa cadette. C'est important, ça? Ah ben quand même, c'est intéressant, quoi. Oui, non, mais est-ce que ça peut nous aider, je veux dire? Non, pas du tout. Ah, d'accord, voilà, c'est ça. C'est fait pour qu'on s'égare. Évidemment. Et c'est quelqu'un, je dois dire... On l'a tous lu qui, ah, alors, je ne sais pas si tout le monde l'a lu, mais Marianne nous dit cette semaine qu'il faut absolument le relire. Ah, il faut l'avoir un lu remède, déjà pour le relire. Un remède efficace et indispensable aux maux et aux passions tristes qui agitent notre pays en ce moment. Germain Nouveau? Non. Oh, Germain Nouveau. Non, mais Germain Nouveau. Mais qui c'est, quoi? Moi, dans ces cas-là, je dis non, même sans savoir qui c'est. Germain non, Nouveau. Relire. Mais il invente des gens. Attends, il dit Germain Nouveau, je veux dire Pline l'Ancien. Non. Il y a plus grand monde qui se rappelle de Pline l'Ancien. Ah, si, quand même. Et Pline le Germain jeune. Nouveau. Ah, si, moi, quand même, quand je fais ma lessive, je suis toujours sous Pline. Voilà. Mais donc, on peut inventer des réponses? Ah oui, Stéphane Palisson. Non, je pense que c'est Georges Ferzi. Ce sont les éditions Les Équateurs qui viennent de rééditer. Oh, allez, je vais vous aider. C'est un écrivain voyageur. Il a écrit des poèmes, non. Mais il a écrit aussi de la prose. Je vais vous aider, qui viennent de rééditer son Histoire de France. Michelet. Jules Michelet. Bonne réponse de Jean-Jacques Péroni. Bah oui, c'est Michelet. Ah oui, c'est bon. On allait le dire. Qu'est-ce qu'il y a, ma vie? Non, rien. Je vois le manège entre vous deux. Mais oui, il y a des mots. Est-ce que l'Histoire de France? Histoire de France, c'est Michelet ou Stéphane Bern. T'as une question avec un code avec Péroni. Oui, il a un code. Et l'autre, c'est un truc qui va permettre à Beaugrand de chanter. Ouais. Voilà. Et nous, pas pourquoi nous venons. On va vous laisser entre vous. Mais je vais trouver le code Péroni. Le code Péroni, la phrase déclencheuse, c'est « Allez, je vais vous aider un peu. » Mais non, mais ça prouve que voilà, notre ami Péroni est cultivé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut bien qu'il ait quelque chose pour lui. Bon, on va voir. Vas-y, je prends des notes. On va voir parce que s'il a lu la presse, il saura aussi me parler de Pietro Vannucci. Assez méconnu, ce peintre va être réhabilité par le musée Jacquemart-André. C'est gentil. De qui s'agit-il? Comment ça, de Pietro Vannucci? Mais non, c'est son vrai nom, Pietro Vannucci. Le Pérugin. Comment vous dites? Le Pérugin ou le Pérugin? Bonne réponse de Bernard Mabille. Mon Péroni. Et sans code. Merci de me défendre, Christine. Il y a les deux ânes bâtés là-bas. Est-ce qu'on a le temps, nous, de s'intéresser à la peinture? Grand peintre de la Renaissance, égal de Raphaël. On nous dit même aujourd'hui dans Le Parisien, c'est Yves Jéglet, ça c'est assez incroyable, qu'il a participé au décor de la chapelle Sixtine à Rome. Sweet little Sixtine, tiens, j'ai niqué Beaugrand. Pas ça, malheureux. Toi qui Ils se rapprochent imperceptiblement. Dommage, nous avons une Alonso entre nous, mais... Enfin, non, mais il a participé au décor, le Pérugin. Il a participé au décor de la chapelle Sixtine. Michel-Ange, qui est quand même pas sympa, Michel-Ange, qui quand même évidemment a voulu... Gros connard. Qu'on retienne son nom à lui. Qu'est-ce qu'il a fait, Michel-Ange ? Comme il aimait pas le Pérugin, il a recouvert une de ses peintures. Il a tagué, tagué Pérugin, c'est pas gentil. Pas il était salaud, Michel-Ange. Ah oui, ah ouais, ouais, j'irais plus à l'Euro Disney. Une question pour Monsieur Marcel Paris, qui habite Le Havre. Et la question concerne l'abbé Bossu. Je ne sais pas si vous connaissez l'abbé Bossu. Charles Bossu, qui était un mathématicien géomètre français. Il était né en 1730, il est mort en 1814. Vous voyez, donc quand même, il est mort assez vieux. D'ailleurs, il a été... Quelle vie il a eu ? 84 ans. Il a connu la Révolution française, Napoléon, la déchéance de Napoléon. Quel destin, alors qu'il y en a qui naissent... 1924, j'ai mort en 38, ils ont, qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est ce qu'ils ont vu. Leur sœur faire le tapin, c'est tout ce qu'ils ont vu. Non, tu sais, ça sent douce, le vieil homme est gentil, mais l'écrivain est un pitoyable. Alors, Charles Bossu, je peux poser ma question. Charles Bossu était donc un géomètre, un mathématicien, mort quand même à l'âge de 83 ans. Vous avez raison, il en a vu des choses. Et justement, c'est sur sa mort que porte la question. Car quand il est mort, il s'est trouvé d'abord plusieurs heures dans le coma, et un ami lui a soufflé quelque chose à l'oreille. Et là, l'abbé Bossu lui a répondu 144. Qu'est-ce que l'ami lui avait soufflé à l'oreille ? Tu sais combien de 12 fois 12. Combien de fois je me suis tapé ta femme ? Peut-être. Il lui a dit une grosse. Pardon ? Une grosse, c'est 12 douzaines et c'est 144 pièces. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit à l'oreille, son ami ? 12 fois 12. Pas 12 fois 12. 12 au carré. 12 au carré. Qu'est-ce que 12 au carré ? Bonne réponse collective, effectivement. Ouais. Eh oui, quel est le carré de 12 ? Et il est sorti du coma pour répondre 144. Qui fait faire un calcul à un ami mort ? Ça, vous avez raison. Ouais. Mais Laurent, il est mort quand même. Ami qui est en train de mourir. C'est bah ouais. Le carré de 12 ? Alors ? Ou alors c'est Romeshko, c'est qui vient. Non, mais c'est vrai que... Bon, c'est improbable. Qu'est-ce que vous diriez, vous, à un ami qui serait en train de mourir ? Eh ben, dis-donc, c'est pas trop tôt. Il y a Marius qui est en train de mourir. Marius ? Et Marius est en train de mourir à l'hôpital, il est mourant. Alors on dit, ton ami, t'es mourant. Il dit, oh putain, quelle horreur ! Il dit, non, mais tu vas aller le voir maintenant. Et surtout, tu n'as pas l'air triste. Parce que lui, il est pas triste du tout. Il dit, mais il n'est pas au courant. Il dit, si, il est au courant, mais il veut que des gens qui sont au courant et qui, quand même, sont gays. Hein, on dit, d'accord, je crois que j'ai compris. Il ouvre la porte de la chambre, il dit, alors, on agonise ? Elle est jolie. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Bonjour Jérôme. Jérôme Métro est au téléphone. Oh, qu'est-ce que vous faites comme boulot, évidemment ? Je vais vous demander, Jérôme. Bonjour à tous. Et bonjour. Écoutez, moi, je suis technicien en anatomie et cytologie pathologique. Quand même. Oh. Donc, ah, oui. On n'a pas bien compris. C'est impressionnant. Moi, je vois ce que c'est. C'est vous qui dites c'est un cancer ou c'est pas un cancer ? Bravo Pierre, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, mais alors casse-toi. La personne au monde qui me fait le plus peur. Et t'enlèves un tout petit bouton. On va analyser la pièce. La pièce, il y a un petit truc qui t'enlève là. Combien de temps ça dure ? Toi, tu dis une demi-heure, je peux rester là ? 16 jours, ça dure. Alors pendant 16 jours, tu fais ton testament. Tu vas dans un bistrot, t'as les copains, dis, est-ce que j'ai une gueule de mort ? Alors, dis, non. Et t'es content, tu bois un coup, il y a un mec qui arrive qui dit, on va tous mourir. Hein. Et je dis, moi aussi ? Oui, monsieur, vous allez mourir. Alors là, et il y a le connard qui est là, il fait ce petit truc, il a les résultats depuis 15 jours, lui. Mais il te fait attendre. Jérôme. Oh non, je l'aime pas, Jérôme. Non. Jérôme, comment c'est pas de sa faute ? Mais si, il m'a trouvé un cancer, j'en avais pas. Il m'a trouvé pas de cancer et j'en avais un. Ah non, salopin. Je connaissais pas ce mot, d'ailleurs, je dois dire. Anatomopathologie. J'ai cette chance, d'ailleurs, Jérôme. Mais est-ce qu'il a bien résumé votre profession, Pierre ? Oui, mais vraiment le côté obscur, mais c'est bien du Pierre Bénichou, parce que c'est aussi le côté quand même de diagnostic et positif qui permet de sauver pas mal de gens. Quand c'est pris à temps, il ne faut pas oublier ça non plus quand même. Ils te disent c'est bénin ou c'est malin ? Malin, ça veut pas dire rigolo, hein. Malin, ça veut dire. Non, mais on peut traiter. On peut traiter. Et... on peut traiter combien tu veux, mais c'est arrête, Pierre. Vous avez des gens connus en ce moment? J'ai dit traiter, pas négocier. Juste pour vous dire quand même qu'on est au mois de novembre et que c'est Movember et que c'est justement le mois du dépistage du cancer. Désolé pour Pierre, mais du cancer de la prostate et des testicules. Exactement. Ouais. Le cancer... désolé pour Pierre. Tu veux que je te dise une phrase? Ils t'en ont pas. Deux mots. Mes couilles, ça va? Il faut lui faire analyser. Pierre, c'est le cancer du côlon, évidemment, plutôt, ouais. Dont il souffre depuis... depuis l'Algérie, oui. Depuis l'Algérie. Ça, c'est joli. Non, moi, j'étais pas un colon, j'étais un indigène, moi. Mais arrête, ces mecs sont formidables. Oui, tu passes une coloscopie, une fibroscopie. Mais ils font pas ça, eux. Et non, c'est pour mais... ça, il a raison quand même de le rappeler, Jérôme, le mois de novembre est un mois où les hommes doivent se laisser pousser la moustache. Ah, c'est je croyais les couilles. Mais non. Certains aussi, oui. C'est pour ça que Florian Gazan s'est laissé pousser la moustache. C'est pour dire, allez faire des dépistages. C'est pour ça. Mais puis c'est pour dire, voilà. Mais alors nous, quand il faut aller se faire dépister pour les seins, on se fait pousser quoi ? C'est le mois précédent, c'est en octobre. C'est octobre rose. Tant pas possible. Dis donc, mais quelle culture ! Il a fait 19 ans d'études. Et qu'est-ce qu'il y a avant novembre ? Et il va nous le dire ! Octobre ! Et vous faites aussi les labradors ? Non, parce que ma chienne a un cancer, elle est sous chimio. De la prostate ? Non. Ma mère aussi, c'est drôle ça. Elle perd ses poils ? Non, un chien ne perd pas ses poils quand il a un cancer. Mais tu es sérieux ? Mais elle est sous chimio, ma petite chienne. Tu annonces ça comme ça, toi ? Non, mais les gens sont... Non, mais il y a des trucs plus graves. Il y a des gens qui connaissent ta chienne. Oui. Ma famille est au courant. Mais les enfants de ta chienne écoutent... Elle le vit très bien pour l'instant. Chienne, écoutez, on vit dans... Oui, l'avantage des chiens, c'est qu'ils ne le savent pas. Oui. Comme elle n'a pas compris... On va lui dire... Tout l'autre jour, j'étais avec mon chien. Il m'a regardé et j'ai senti qu'il voulait me dire quelque chose. Alors je lui ai dit, un bonbon. Alors je lui ai dit après, à manger. Un bon de petit garçon. Non, mais c'est pas un chinois, ton chien. Un malade. C'est un chien comme ça. C'est un chien chinois. C'est ce qu'il m'a fait. Je lui ai dit, mais malade, genre appendicite. Plus grave que l'appendicite. Et voici, si tu ris pas, c'est pas la peine de dire. Une jeune fille avec un chemisier rond, coiffée comme un casque, c'est rigolo. Jérôme, vous êtes toujours là, Jérôme. Oui, je vous écoute attentivement. Jérôme, excusez-nous, Jérôme. Ce n'est pas moi, moi, j'anime une émission sur France 2 le samedi soir, mais le mec en semaine sur RTL, c'est pas moi, je le dis. Et Pierre, tu peux faire le chien? Je fais tous les animaux. Allez, la je commence par le chat, toujours. Fais le chat, Pierre. À la demande générale, parce que je ne fais plus. Le chat. Ça avait fait rire la dame. J'ai vu la vie. Et le chien. Non. Jérôme. Dis donc, il nous fait une belle dernière. Je fais la vache aussi. Ah non, écoutez. Et le dromadaire ? Jérôme ! Oh merde ! On va faire le dos là. Jérôme ! Oui. Écoutez-moi, moi, Jérôme. Le serpent, il n'y a pas de bruit. Si. Oh merde. Je suis tout ouïe, Laurent. C'est pas possible. Alors, Jérôme, vous avez peut-être gagné un coffret cadeau relais du silence. Ça va me faire du bien. Voici la question. Il est temps quand même qu'on y passe à cette question. Mais on a plus le temps. Vous avez perdu. Au revoir. Une question culturelle. Par exemple, à Rennes, actuellement, au Théâtre National de Bretagne, se jouent les Liaisons dangereuses. Oh. Ah oui. De Laclos, avec Vincent Pérez et Dominique Blanc. Vincent Pérez joue, évidemment, à votre avis, joue qui? Valmont, évidemment. Mais alors attention, quel rôle joue Dominique Blanc ? Madame de Merteuil. La marquise de Merteuil, bonne réponse. Après tout ce qu'on a dit avec vous et sur vous, franchement, on est content de vous faire gagner. Jérôme, vous méritiez ce week-end Relais du silence. L'équipe, je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Jérôme. Et merci, madame RTL. C'est gentil. Pour Virginie Vieille-Vigne, au Carabas. Oh, lâchez-lui la grappe. Lâchez-lui la grappe. Elle habite la Panouse. C'est Elle a tout pour elle. Elle a tout pour elle. Et alors, c'est dans quel département? C'est dans l'Aveyron, monsieur Péroni. C'est pas dans le Bordelais. Et la question concerne l'équipement des militaires français. Vous avez certainement lu cet article de Frédéric Guerchel dans Le Parisien aujourd'hui, concerne l'arme célèbre française, le FAMAS. Moi, je connaissais pas cette arme. FAMAS. Le FAMAS, un fusil d'assaut qu'on surnomme, ça j'ignorais aussi, le clairon. Oui. Moi, le clairon, je pensais que c'était l'instrument. Non, c'est à la forme avec, vous savez, la poignée pour le tenir. Ah d'accord, donc ça a la forme d'un clairon, le FAMAS. Moi, j'étais objecteur de conscience, donc je peux pas évidemment connaître les armes des militaires, mais le clairon était le surnom. Pardon, mais ça fait un moment que vous habitez à Marseille maintenant. C'est vrai. Le clairon est donc le surnom donné au FAMAS, célèbre fusil d'assaut qui était fabriqué chez nous en France, qui était une référence et qui va être remplacé par une arme de fabrication chinoise. Européenne, quand même, non pas chinoise, mais européenne, au grand dam de certains députés. Mais justement, que signifiait le mot FAMAS ? Fusil d'assaut mitrailleux supérieur. Non. Fusil d'assaut, vous avez bon. Modèle. Maintenant, il vous reste MAS. Mais assez sympathique. Fusil d'assaut, mais assez sympathique. C'est bien. FAMAS. Modèle. Il y a manufacture. Fusil d'assaut, manufacturé à Saint-Étienne. Bonne réponse de Jean-Jacques Péroni. Non, mais c'était facile. avait les premières lettres. Fusil d'assaut. Vous pouvez fumer. Manufacturé à Saint-Étienne. Ouais, c'est exactement, c'est un acronyme, ce que signifie, ou ce que signifiait, peut-être maintenant il faut le mettre à l'imparfait, le mot FAMAS. Vous l'avez manié, le FAMAS, alors, Péroni? Non. Vous avez fait l'armée, Titoff? Ouais, bien sûr. On te le voit se lever le matin. J'ai une tête à faire l'armée. Vous avez fait l'armée, vous, monsieur Baluta, en Algérie, en plus. J'ai fait la guerre. Ah, vous avez fait la guerre, moi nous je n'avions le sais. Pas ça. Ah, qu'est-ce que vous aviez comme arme, vous? On avait une MAT 49, c'était une mitraillette qui s'appelle MAT 49 avec une sécurité, c'est-à-dire que pour tirer, il faut descendre le chargeur. Et on avait, moi, comme j'étais officier, j'avais un Colt 45 en plus. Et on avait une petite carabine américaine qui s'appelle MS1, qui tire des petites balles. Mais vous avez tué des gens, vous, monsieur? Je sais pas, parce que quand ça siffle, vous regardez pas si il tombe en face ou pas. Ah, vache. Vous voyez, vous cachez. Pardon. Ça te fait plaisir qu'on t'emmène au paintball? Tu peux venir habillé en cycliste. Hein. Non mais quand même, c'est drôle quoi, parce que c'est pas drôle. Non, du tout. C'est pas drôle, mais c'est, je veux dire, c'est émouvant ce que vous nous racontez, Monsieur Balutin. Mais pas du tout, j'ai rien demandé. Moi, c'est un mec qui s'appelle Mitterrand. Un beau jour, il m'a fait hop en Algérie. Alors bon, d'accord, je suis parti. Eh bien, parce que c'était, faut le rappeler quand même, François Mitterrand qui était ministre. Complètement de l'intérieur. 14 au matin, 11 au matin, j'étais au fort de Vincennes. 14 au matin, j'étais sur le quai d'Alger. Et vous aviez déjà cette voix-là? 32 mois. Oui, j'avais cette voix-là. J'ai de la chance, la voix n'a pas bougé. Mais quand tu fais tes courses, tu trouves un arabe ouvert, ça te rappelle des souvenirs? Oh, en peux-tu, ça, t'es pas. Je vais me servir, je suis justement un petit Tunisien qui habite à côté de chez moi, qui est adorable. Qui s'appelle? On va saluer alors. Il s'appelle Mehdi. Mehdi, ben voilà, faut pas. Vous y allez à quelle heure? Parce qu'il faut pas chercher Mehdi à 14h. Ouais. Oh, celle-là. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Non, je lui ai tendu une perche. Oh, la perche. Oh, la perche énorme. Ah non, vous n'êtes pas ému, vous, Karine, par ce que nous raconte tonton Balutin, hein? Mon père était tirailleur. C'est pas vrai. Il a divorcé, ma mère, elle a mal pris. Non, mais on a que des planqués ici, au fond, finalement. Vous aussi, Péroni, je suis sûr que vous avez été planqué, non? Non, je suis réformé définitivement. Bah, qu'est-ce que vous disiez? J'ai fait 15 jours. Il m'avait foutu dans l'aviation, ces cons. 15 jours. Ils ont bien fait de. Bah ouais. Oh oui. Ouais, ouais, non. Tu es perdu en aviation. Ils ont bien fait de te réformer quand même. Il y a un connard qui vient me voir, volontaire parachutiste. J'ai dit, tiens, et celle-là aussi, tu vas voir. 15 jours, au bout de 15 jours, ils m'ont viré. Ils cherchent des pilotes chez German Wings. Ah bah j'ai envie de faire pipi, je vais y aller. Ah non, mais tonton Balutin, je peux vous appeler tonton Balutin? Oh, ça me fait tellement plaisir, tonton. Ah oui, non, mais ça m'émeut. C'est émouvant. Mais c'est surtout souvent, je trouve que les hommes qui ont fait la guerre d'Algérie, ils nous disent pas à quel point c'est un traumatisme. Et il dit ça en riant, mais je pense que ça les a marqués à vie et que... Ça dépend de l'endroit où tu étais. 32 mois oui, mais moi, j'ai avoir peur parce de mourir. C'est pour ça qu'après, au théâtre, vous n'avez joué que dans des tragédies. La première pièce que j'ai joué, je faisais un militaire. Non, je dépose mon paquetage au moins. À 8h du matin, à 8h du soir, je faisais un militaire. Alors, dis donc. Mais vous avez une médaille quand même, monsieur Balutin? Oui, ou j'ai la valeur militaire avec étoile de bronze. Ah, quand même! C'est-à-dire Michel Matin-Heure fixe. C'est fou quand même. Non, c'est pas fou, c'est qu'il y avait un mec qui était complètement bourré une nuit, un capitaine qui s'est fait allumer, et moi j'étais de patrouille avec mon maréchal de logis cette nuit-là, on a entendu ça, on a été voir, et on a attrapé le mec en question, et un jour le général qui commandait mon corps d'armée est venu me voir, il me fait, dites non, il faut que je vous décore, je fais, vous savez, c'est pas utile, là, j'ai pas tellement bien vu dans mon métier, alors, il m'a fait, si, alors ils m'ont décoré sur le front des troupes, la valeur militaire, et quand je voulais faire chier Philippe Bouvard, je la mettais. Alors racontez-moi comment on fait. tu mets une décoration. Je mettais cette décoration. Non, c'est émouvant, c'est beau ce que nous raconte tonton Balutin. Hein. Karine, je vous vois ému, vous aussi. Hein. Oh, petite mère. Ah bah oui, c'est vrai. Franchement, il faut quand même avoir une petite pensée, un petit geste de temps en temps pour nos anciens combattants, Karine. Mais pour tous nos anciens, d'ailleurs, pas que les combattants, mais... Non, il y a des cons tout court. Peut-être que pour Noël, vous pourriez lui apporter un petit kilo de sucre. Hein. Oui, on va le décorer pour Noël. Mais c'est déjà décoré. Balutin, tu mets les bras comme ça, on vient de décorer pour Noël. Balutin. Oui, je vais faire le sapin. Voilà, on le matin, des tu boules, fais toujours la levée du drapeau? Oui, toujours. Et ça fait combien de temps qu'on t'a pas soufflé dans le cléon? mais justement, Karine se propose. Parce que... Karine Le Marchand, c'est quelqu'un. Oui. Moi, je la vois avec les agriculteurs. Elle est pleine de compassion, pleine de. Ah oui. L'agriculteur a l'habitude, elle leur souffle dans le poireau pour faire bouger les oreilles. Elle fait en moins les quatre en même temps, on l'appelle la trieuse. Je vous signale que je fais ça bien, je ne souffle pas, j'aspire. Une question cette fois qui concerne quelqu'un qui perdit sa première dent à l'âge de 22 ans. Ah si bon bien qu'à 57 ans, il ne lui en restait plus qu'une seule. Une seule dent à 57 ans. De qui s'agit-il ? George Washington. George Washington, excellente réponse de Franz-Olivier Gisbert. Mais moi, j'ai même pas compris qu'est-ce qui lui arrivait. Il a perdu ses dents. Il mangeait du sucre de canne. C'est ça ? Et c'est comme ça qu'il a perdu toutes ses dents les unes après les autres. Bien sûr. C'est le sucre. C'est en faisant des recherches pour votre livre L'arracheuse de dents ou vous le saviez déjà ? Oui. Je le savais avant parce qu'à un moment donné, quand j'ai essayé d'être précis après quand j'ai fait les recherches, mais ça m'avait toujours fasciné ce type parce que regardez la gueule qu'il a. Il a l'air d'en vouloir à la terre entière. Mmh. Quand il fait d'ailleurs quand il tient des propos, c'est complètement con. Mais toute la vérité, c'est qu'il souffrait comme un damné. Il avait un dentier qui faisait dès qu'il ouvrait la bouche et il était comme ça complètement bloqué. Il avait un dentier d'ailleurs en ivoire d'hippopotame des dents de cheval, des dents d'esclave aussi parce que de temps en temps tu as une dent d'esclave pour voilà. Et puis voilà, et ça, apparemment ça marchait pas quoi. Ça alors, Morandini, c'est ça aussi. Mais alors George Washington sur les dollars. Il souriait pas sur les billets. Il fait la gueule. Mais il a un mal de chien. Oui, il a l'impression qu'il ne sourit pas. En fait, c'est parce qu'il n'a pas de dents. Mmh. Au Mexique, les sociétés précolombiennes voulaient avoir des dents en obsidienne. Alors on s'arrachait les dents par beauté. Pour mettre des dents en obsidienne. C'est quoi l'obsidienne ? Voilà. C'est une pierre noire brillante. Oui. Ah ouais ? Et tu sais pourquoi les vieux, ils aiment les cacahuètes ? Non. Parce que ça leur rappelle leurs dents. Il paraît que les joueurs d'harmonica s'arrachent une dent sur deux. C'est la légende ou... Sans vos dents, vous avez une dentition magnifique, Ariel. Je mords. Regardez, là. Eh ben, ça donne pas envie d'y aller. Just go ahead now. And if you like to C'est vrai hein, que les épouvantails n'en peuvent plus quand vous arrivez, cher Karine Le Marchand. Les épouvantails, excusez-moi, passent tout de même leur journée avec un bâton dans le cul. C'est une blague. C'est une blague, Loir-et-Cher. Voilà, exactement. C'est un hommage. Elle fait bander les épouvantails, Chantal, elle épouvante les bandeurs. Oh. Ça commence. Et toi, tu ferais débander un god. Et après, on va dire que ce sont des hommes qui sont vulgaires. Ah non, franchement. C'est vrai, hein, ça se mange enfin. Thierry Ardisson, je suis désolé de vous imposer la présence de ces trois jalouses. Ah ouais, là, il y a trois tigresses dans la même cage. Je crois que ça va être absolument... Il faut que je vous dise, elles sont très jalouses parce qu'elles sont folles de mon corps. Mais ça m'étonne pas. Non. Ça m'étonne pas parce que vous avez minci, Laurent. Ah, merci, ah ouais. Alors, c'est vrai qu'Isabelle est hors d'elle aujourd'hui. Et parce que je suis à cette place-là, je suis ni à votre droite ni à votre gauche. D'habitude, je suis soit... Attends, oh merde. Est-ce que quelqu'un peut essuyer le micro? Véritable leçon d'humidité. Excuse-nous, Isabelle, mais il a tout de même mis des pare-brises à gauche et à droite pour éviter les postillons. Dis donc, t'as de la chance d'être à côté d'Ardisson. Mais oui, quand même. Je vous installe à côté du dieu du paf, même. Vous savez pourquoi j'ai jamais emmené Isabelle en voiture? Non. Avec moi, parce que j'ai pas d'essuie-glace à l'intérieur. Non, mais vous devriez être... Elle voudrait pas un dieu du paf, elle aimerait bien un sauto-paf, ça la changerait. Plus rien à dire. Mais je vous emmerde, les gonzesses, ça suffit. Moi, j'ai fait les grosses têtes il y a deux jours, j'étais la seule nana, et ben, ça allait beaucoup mieux, croyez-moi. Ah, ouais. C'est vrai? Vous pensez que c'est mieux quand vous êtes toute seule? Oh bah ouais, attends, l'autre il m'attaque avec son god, elle qui me dit que je... J'ai rien dit, moi. Que je baisse plus, en gros, ça veut dire ça. Bah hein, on le sait tous. Comment ça, tu le sais tous? Bah oui, c'était renfrogné, c'est parce que tu fais rien depuis des années. Ah oui, d'accord. J'ai tout... On en est là. Il y a deux mois que je suis pas venu, mais là, je dois dire, ça évolue bien. Hein. Ah oui. François Vigisbert, faites quelque chose pour Isabelle. Vous savez qu'elle est... Elle est... Ah ouais, il faut rien. Ouais. Ah non, mais j'en suis pas à ce point-là. Je suis pas désespérée à toi, hein, faut pas déconner. Oh, quand même, dis donc. Généralement, c'est plutôt le type d'homme que vous aimez, oui, Gisbert. Oui, puis j'ai fait un poème, mais elle s'en foutait. Elle a pas compris, de toute façon. Il vous plaît bien, Gisbert, quand même, non. Isabelle. Non, pas vraiment, non. Enfin, quand même, non, au début, avec son chapeau... Eh ben, au début, j'avais rien à bouffer, même ça y est, j'ai trouvé. C'est vrai, t'en as trouvé un? Non, et puis de toute façon, les mecs qui me font des déclarations d'amour, mais qui sont même pas foutus de lever leur... pour aller venir me voir au théâtre. Donc non, je vais venir voilà. Te voir, chérie. Mais c'est fini, arrête. C'est fini encore. Il y a encore trois jours. Ceux qui s'étonnent, ça fait 5 mois que tu loupes et qui disent « Oh, c'est terminé non, déjà !» Non, c'est pas terminé, il y a encore 3 jours. Eh ben oui, mais c'est plein, moi, laisse tomber. Moi, je suis venue, tu te souviens, j'ai bien dormi, oui. Dis donc. Il est temps, je crois, de passer à une citation. Faut calmer les esprits. Une citation pour Catherine Sicre, qui habite Strasbourg, qui a dit l'ennemi. Sacha Guitry. Non. Sacha Guitry. Non, non plus. Qui a dit l'ennemi est bête. Il croit que c'est nous l'ennemi, alors que c'est lui. Ah, c'est joli. Bon, c'est Hollande. François Hollande, non. Il est mort, hein. Il est mort. Cavana, non. 19e siècle Non, 20e. Blanche. Humoriste. Humoriste. Des proches. Pierre Desproges. Oui. Bonne réponse d'Isabelle Mergault. Qui a dit « Tous les drapeaux ont été tellement souillés de sang et de merde qu'il est temps de ne plus en avoir du tout. » Et c'est une citation pour Francis Grosjean qui habite Mave. C'est pas Volinsky. C'est un humoriste mort. Un humoriste politique mort, oui. C'est vrai, c'est un écrivain. Attendez, Chantal Mécro. C'est un écrivain. C'est un écrivain mort. C'est un type sérieux qui est mort. Voilà, exactement. Mais genre oui, Henri Barbus. Henri Barbus. Non. Tous les drapeaux. Henri Glabre ? Non plus. Non. Un écrivain qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale. Ah non, pas du non, tout. Non, la première. Non plus. Oh non, celle d'avant. Il a rien vécu ? Ah ben il a vécu au 19e, donc il a pas vécu les deux guerres mondiales. Non, c'est pas Victor Hugo. Ce n'est pas Victor Hugo. C'est un écrivain engagé Engagé, pas spécialement un engagé. Un écrivain engagé politiquement Mais qu'est-ce que là, celle-là? C'est pas Baudelaire. Ça va faire avancer, hein. Il faisait plutôt des romans d'amour. Ah oui, il a fait des romans d'amour. Flaubert. Flaubert, bonne réponse de Karine Le Marchand. Alors là... Elle m'a dit, moi, ça va faire avancer. Si tu te mets à être cultivée, d'ailleurs, t'es un peu moins belle depuis... Hein. C'est à peu près quand t'es la campagne qu'elle est cultivée. C'est pas vrai. On peut avoir tout et certaines n'ont rien. Mais vous imitez très bien. Je vous avais jamais entendu imiter Chantal là-dessous. Ah oui. Allez-y voir. Maman, j'ai rêvé, mais qu'est-ce que tu fais, mais pas du tout. Personne t'a reconnu, c'est génial. Qui a dit, et ce sera une question pour Marie Trassard, qui habite Verne-sur-Sèche, en Ille-et-Vilaine, les femmes ont quatre lèvres, deux pour mentir, deux... Alors c'est les nuls, celle-là. Non, Patrick Sébastien, mais... Les femmes ont quatre lèvres, deux pour mentir, deux pour se faire pardonner. C'est d'une vulgarité sans nom. Mais c'est pas vrai, surtout. Sébastien. Patrick Sébastien, ouais. Non. Mais c'est pas vrai, surtout, on en a six. J'ai entendu la réponse. Sacha Guitry. Sacha Guitry. Qui l'a dit? C'est moi. Et c'est Sacha Guitry. De Franz-Olivier Gisbert. C'est pas lui. Non. C'est pas lui. Je prends toujours la voix d'Isabelle Mergault pour dire Sacha Guitry parce qu'elle l'a immortalisé. Mais c'est surtout pas vrai, on en a six. Ah bon? Ah bah lèvres. Bah, je suis désolée, en bas il y a les grandes et les petites. Hein. Mais ça fait six, le mec il connaît rien en anatomie. Moi j'ai connu un gynécologue sourd qui arrivait à lire sur les lèvres. Qui est exposé actuellement au Musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice. Et d'ailleurs, le titre de l'exposition s'appelle « Véritable amour ». Stallone. Sylvester Stallone. Bonne réponse de Florian Gazan et Bernard Mabille. Et ce sont... C'est pas mal ce qu'il fait, d'ailleurs. Ce sont ces toiles, hein, effectivement. En plus, c'est pas simple de peindre avec des grandes boxes. Effectivement, je ne savais pas que Sylvester Stallone... Ça fait des années, ça fait 40 ans qu'il peint. Peignait, mais au point d'être exposé dans un musée, quand même, c'est assez incroyable. Non, il vend beaucoup. Il vend beaucoup, non, il est assez coté. Dans le dernier Rocky, il tient un resto, et ce sont ces toiles qui sont au mur, c'est bien, hein, c'est abstrait, mais c'est bien. C'est monsieur Estrosi, hein, le maire de Nice, qui a insisté pour que Sylvester Stallone soit exposé au musée d'art moderne et d'art contemporain. Ça a d'ailleurs créé une petite polémique. Hein. Il y a quand même des gens qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec ça, qui disaient que c'était pas à la place, un musée d'art contemporain pour foutre des toiles de Stallone. Mais bon, si c'est bien. Il y a une demi-page dans Le Monde, hein, quand même. Je préfère les sculptures de Schwarzenegger. Moi, j'ai trop plus... Ah oui. Et moi, les collages de Jason Statham. Vous savez qu'on a parmi nous quelqu'un qui va exposer bientôt, Pierre Bénichoux. Ouais. Alors, essayez de deviner qui peint parmi nous, Pierre, à votre avis. Vous savez Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre, vous peignez Jean-Pierre ? Non, pas du tout. Non, il peint pas Jean-Pierre. Non, il peint pas. Il est autour de la table, là ? Parmi nos six grosses têtes. Oui. Ah ben, c'est Florian, là. Oui, je sais, c'est le petit Florian, là. C'est toi qui as peint ton t-shirt ? Tu exposes où ? Vous allez exposer où, à Florian Gazan ? Pour tout dire, je ne sais pas encore le lieu. Ce sera mi-juin, mais j'aurai deux toiles parmi plein d'autres. Hein. Toiles, quand même ? C'est pas une rétrospective. Hein. Je peins depuis deux ans, alors donc. Oui, mais quand même. Toile. Moi j'ai vu, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. C'est abstrait. Mais tu figuratif ou tu sais abstrait? Abstrait, noir et blanc. Oh, on ira, Jean-Pierre Coff. Oh, bah, bien sûr. J'habiterai, oui. Bon, c'est le 15 juin. J'hésite entre la fête de la charcuterie et l'exposition de Florian Gazan. Par contre, Florian pense bien à faire un tableau avec à l'effigie de Pierre Bénichoux, sinon il va t'en vouloir. Je fais de l'abstrait, c'est possible. Vous viendrez avec moi, Pierre Bénichoux. Je suis sûr que vous êtes sensible au talent de Florian Gazan. Bien sûr, voilà. je suis toujours, toujours là pour aider un raté. Et moi, je les invite. C'est pas bien comme ça. Vous êtes jaloux de tout le monde, Pierre. Oui, c'est marrant. Plus ça va, plus je suis jaloux. Je vois passer un mec avec une voiture qui a la même que la mienne, mais qui a 3 mois de main. Et je dis, putain, comment il a fait cet enculé pour Non, sérieusement. C'est pas bien d'être jaloux comme ça. On peut... Oh, il est méchant. Ah ben, ouais, mais c'est pas bien, non. C'est une jalousie méchante. Il est méchant. Tu veux pas qu'on te réconcilie? Faisons une petite pause. Pars bien sur ton bateau, fous-nous la paix pendant 3 mois. Qu'est-ce qui se passe? Vous le confondez avec Kersauzon maintenant? Il va partir sur un bateau, Pierre Bénichoux? Il part sur un gros bateau, un bateau de transport. Avec... Ah, il fait des croisières fait... Ah Non. Un cargo. Il n'est pas des cargos, il part en avec cargo, il fait le tour du monde il en a cargo. Il n'a pas besoin, là, ses papiers, Pierre. Ouais. On lui a fait ses papiers, il a eu un passe-droit parce qu'évidemment, il a son passé pendant la guerre. Non, je fais mon sac, je le mets sur mon dos. Puis j'arrive là-dessus et j'ai dit « Pas viré !» Comme ça, tu vois. Tu comprends pas ça, toi. T'es pas vraiment un homme de la mer, toi. Non, je suis pas un homme de la mer, c'est vrai, mais quand on voit dans quel état tu reviens, les hommes de la mer t'ont vraiment défoncé. Hein. Ils m'ont défoncé. Non, mais ça va pas. Je sais même pas ce que ça veut dire. Ton trou du cul doit le savoir. Nous aurons au téléphone dans un instant Mme Gwendoline Gallou, qui est adjointe au maire de Laval. Et Mme Gallou a accepté de célébrer un mariage dans un endroit très particulier. C'est ma question, une question pour Justine Friedrich, qui habite, elle, en Moselle, à Fremming-Berlebach. Où la maire adjointe de Laval a-t-elle accepté de célébrer un mariage? Dans une étable? Dans une étable, non. Est-ce que c'est dans un bateau avec c'est Moby Laval. Dick c'est Laval, c'est pas Bethléem. Dans une grotte? Sur un bateau avec Moby Dick. Non. Oh, pas sur un bateau. C'est souterrain? Ce n'est pas souterrain. Est-ce et, que sous, c'est... et sous les miens non plus. Dans les airs. Je ne vais pas aller voir. Hein. Dans les airs. Pardon? Dans les airs. Dans les airs, non. Dans est-ce... un lit. Dans un lit, non. Est-ce dans que une grotte un... Dans une grotte, non. Est-ce que c'est un endroit qui n'existe que là-bas? Ou c'est un endroit... En Mayenne, vous voulez dire? Oui, enfin, dans la région dont on parle. Oui, Laval, c'est en Mayenne. Oui, oui, oui. Ah, je sais bien que vous avez une sais. Intelligence en dessous de la Mayenne. Ouais. Pas du tout. À la Bastille. À la Bastille. Non. À la Bastille de Mayenne? Non, je sais pas, la Bastille à Paris, non, c'est pas ça? Pas du tout. Qu'est-ce que viendrait faire la maire adjointe de Laval à moi d'un... Dans une maison de retraite. Je sais que mélanger la... deux histoires. Ah oui, vous avez confondu l'expression « la pilule est dure à avaler » et la Bastille à Laval. Voilà, c'est ça. Voilà. Maison de retraite. Non. Est-ce que c'est un endroit sinistre, très... Pas par du exemple, tout, un commerce? Pas du tout, mais c'est un endroit original pour une maire adjointe pour célébrer un mariage. Laurent, s'agit-il d'un endroit qui se situe à l'intérieur ou à l'extérieur? À l'intérieur. C'est un dans commerce. Une boîte de nuit? Une boîte de nuit, non. C'est un commerce? Un commerce, non. Un restaurant? Dans un hôpital? À un hôpital, on se rapproche. Une clinique? Une morgue? Une prison? Une morgue? Une dans un cimetière? Dans un cimetière, non. Une maternité? Une maternité, plus précisément. Une clinique? Oui, d'accord. Mais la salle de travail? La salle de travail. Dans la salle de travail de la maternité. Bonne réponse de Bernard Mabille. Ah oui. Bonjour Madame Gallou, vous êtes adjointe au maire de Laval et vous avez accepté de célébrer un mariage au moment où la jeune femme allait accoucher, ce qui était prévu pour quelques jours plus tard normalement, mais la nature en a décidé autrement. C'est bien ça Madame Gallou? Non. Exactement. Merci exactement. Pour votre réponse. Ça a dû être sympa le mariage. Vous êtes payée au mot Madame l'adjointe au maire? On a du mal à la faire accoucher. Hein. Racontez-nous comment ça s'est passé. Le père de la mariée a contacté la mairie en fin de matinée, vers 10h, pour nous dire que sa fille était entrée à la maternité, que le travail avait commencé. Leur mariage était prévu en début d'après-midi à Laval, à 14h30. Le 25 avril, parce qu'ils avaient décidé, je crois, du jour anniversaire de leur rencontre. Donc, ils voulaient absolument exactement. Que ce soit le 25 avril. L'accouchement, en revanche, était prévu pour le 2 mai, mais pas de bol, le bébé est arrivé plus tôt que prévu. C'est ça? Oui, à 8 jours près, oui, exactement. Et donc, il a fallu joindre la substitut du procureur pour obtenir le droit de sortir les registres de la mairie. Et vous êtes voilà. allé donc dans la salle de travail de la maternité pour procéder au mariage. Mais combien de minutes combien d'heures avant la naissance du bébé alors? Juste deux heures et demie avant la naissance. Mais là, c'est merveilleux, un enfant qui n'est pas né dans le déshonneur. Hein. Exactement. C'est merveilleux. Oui. Oh là là. Mais, que c'est bourgeois, votre truc. Mais quand le gamin est sorti de la mer, vous l'avez balancé du riz ou pas? Comment c'est... Mais non, mais imagine les cris de la mariée. Elle a fait « Ah oui !» C'est la première fois que vous faisiez un tel mariage, madame l'adjointe au maire? Oui, dans ces conditions-là, oui. J'imagine. On a tout le détail. Les journalistes vont un peu trop loin, je trouve, parce qu'on a tout le détail dans la presse. Il me semblait avoir entendu une histoire similaire qui avait nécessité de déplacer au dernier moment l'horaire du mariage, explique le papa. Et donc, c'est ainsi qu'il a eu l'idée de demander effectivement au procureur de la République et à l'hôpital de Laval l'autorisation de faire le mariage dans la maternité. Et à midi pile, le mariage a été prononcé dans la salle de travail par vous-même, madame Galou. Il était temps, raconte Coralie, l'heureuse maman, il était temps car le col était ouvert de 7 cm. Oh, il aurait pu mettre une cravate pour son mariage. Ben non, mais le gamin, il avait mis le cordon, il avait fait un autre cravate. Mais non, mais est-ce que vous aviez tous des charlottes sur les cheveux pour les gènes et un masque sur le nez? Non. Elle était en salle de travail, elle n'était pas en salle d'accouchement. Eh oui. Je pense qu'elle était en salle d'accouchement parce qu'elle venait d'avoir sa péridurale. Salle d'accouchement. Le bébé, la petite Iris, car c'est une petite fille, Iris est arrivée à 14h30 précise, écoutez bien, l'heure qui était prévue pour le mariage. Ça c'est drôle. Elle était à l'heure. Vous vous rendez compte un peu? C'est sympa. C'est beau, hein. Le 25 avril, c'était mon anniversaire de mariage aussi. C'est pas vrai. C'est drôle, ah, non? Ah oui. Ah oui, j'ai 40 ans de mariage. Comment va le bébé? Très bien. Le col fait 7 kilomètres. Oh non, non, non. On l'appelle le col du Galibier. Il y a des coureurs du Tour de France dessus. C'est le col du Fenur. Déjà 700 mètres. C'est le col du Galibier, on est obligé de le monter en danseuse. Il faut dire aussi, Mme Galou, que vous n'êtes pas seulement adjointe au maire de Laval, vous êtes aussi pharmacien ou pharmacienne d'ailleurs. Oui. Donc oui, ça, oui, je suis. Ça pouvait aider. Ça pouvait aider au cas où. Ouais. Au cas où, oui, j'aurais pas été très utile. Les sages-femmes l'étaient certainement plus. Hein. Bah, en tout cas, vous êtes bien aimable d'avoir répondu à nos questions et écouté nos bêtises aussi. On vous remercie pour votre gentillesse, Madame Galou, adjointe au maire de Laval. Et la question concerne la reine Ravenna, dont on reparle dans tous les journaux aujourd'hui. Là, c'est, donc c'est pas quelqu'un. C'est dans un film. C'est quelqu'un, la reine Ravenna. C'est quelqu'un. C'est dans un film. C'est dans un film. Dans Blanche-Neige. Et c'est qui la reine Ravenna? C'est la méchante reine, la vilaine reine. Et c'est donc là. La méchante reine, la sorcière de Blanche-Neige. Ah oui, mais c'est plus précisément. La marâtre. La belle-mère de Blanche-Neige. Alors ça veut dire quoi la belle-mère dans ce sens-là? C'est la mère adoptive. La mère adoptive. Non, la femme. La femme de son mari. La femme de son père. La femme qui a épousé le père. Oui. Mais non, qui a épousé le père veuf. La nouvelle femme de la père de Blanche-Neige. Le père de sept nains. Oh, le gong-bong. La nouvelle femme du père de Blanche-Neige, c'est la reine Ravenna. Bonne réponse de Florian Gazan. Je dois vous préciser qu'elle ne s'appelle pas la reine Ravenna dans le conte original, le fameux conte des frères Grimm. C'est dans le film hein, Blanche-Neige et le chasseur qu'elle a commencé à s'appeler Ravenna. Et aujourd'hui, il y a la suite, le chasseur et la reine des glaces qui sort. Elle est très belle, la reine Ravenna, en fait, en tout cas. Miroir, mon beau miroir. Exactement, la belle-mère de Blanche-Neige possède une beauté inégalée. Mais tout ira mal, car ce que le plus beau sang peut faire, un sang plus beau et surtout plus pur encore, peut le défaire. Ah oui. Le soir des noces, Ravenna assassine le roi. La belle-mère décide d'engager un chasseur pour tuer Blanche-Neige. Pour retrouver Blanche-Neige. Enfin, on sait comment ça finit. Oui, heureusement. Je déteste Blanche-Neige. Pourquoi? Ce que je trouve, c'est pas moral du tout, en fait. Comment ça? Le vrai conte. Ouais. C'est les nains qui délivrent Blanche-Neige, qui l'aident à s'en sortir, et à la fin, c'est le prince qui passe par là, qui est beau, qui se la tape. Je trouve que c'est immoral, impossible, quoi. Ah oui? C'est un peu la vie, non? Ouais, non, c'est pas les petits nains, en gros, ils ont rien du tout, alors que c'est eux qui auraient dû se la taper. Peut-être pas ensemble, mais au moins un des sept, quoi. C'est vrai qu'en gros, elle est en même temps, elle a fait le ménage tout le temps, c'est déjà pas mal, hein. Elle était vierge, mais il y avait sept petits trous dans l'hymen. Une question opéra pour faire plaisir à Roselyne Bachelot et Ariel Dombal, mais les autres peuvent tout de même tenter leur chance. Vous-même, Elie Semoun? J'adore Wagner. Ça prouve que je ne suis pas rancunier. j'ai une passion. Alors là, ça ne concerne pas Wagner, mais Mozart. C'est Mozart. Ah. Ça vous va aussi, Mozart? C'est un ringard, Mozart. Mozart qui avait quand même une amoureuse. Il avait épousé Constance, je vous le rappelle. Et justement, ma question porte sur l'opéra signé Mozart, dans lequel, opéra, l'héroïne s'appelle Constance. Il épousa d'ailleurs Constance tout de suite après la première de cet opéra. Così fan tutte? Così fan tutte? Non. Fidelio. Fidelio, mais non. Non, c'est de Beethoven. Mais non. Oh, oh la vache. Genre, idiote. C'est le seul opéra de Beethoven. Ah oui, oui, c'est vrai. Pas se tromper. Le premier opéra de Mozart. C'est un des premiers opéras de Mozart. Mais oui, le tout premier. En plus, il l'a écrit pour elle. Effectivement, c'est pas un hasard si l'héroïne s'appelle Constance et que tout de suite après, il épouse Constance. Oui. Mexico, non. Zaïd. Tu peux vous interpréter Mexico? Allez-y, Pierre, ça va me dire. Ah oui, vas-y, Pierre. Mexico. Sous le soleil qui chante, et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Ah oh, si, je sais. Ah ben voilà. C'est l'enlèvement au sérail. Ah oui, ben ça c'est à force d'écouter Pierre Benichou, ça revient. L'enlèvement au sérail, bonne réponse de Roselyne Bachelot. Jamais entendu. Et comment s'appelle le premier opéra de Mozart? Bastien et Bastienne. Voilà, Bastien et Bastienne. Oui, bon, c'est pas la peine d'essayer de rattraper les questions si, à chaque fois, Ariel. Parce que j'ai dit Fidelio, j'ai honte, alors j'ai pensé à demander Fidelio, mais non, c'est pas ça, c'est un petit elle nom vous de humilié, Sébastien. Elle vous a humilié. Un peu. T'as vu comment elle lui a répondu? Fidelio de Mozart? Et Beethoven, il lisait l'équipe? Non, mais sérieusement. Ma langue a fourché de Fidelio à Bastien. Mais Laurent, elle se déteste ou pas? Non. Pas du tout. Ah, bon. Pas du tout, mais il y en a une qui s'y connaît vraiment en opéra. Oh ah, c'est ça. C'est et l'autre qui en chante. Et alors, je vais vous dire, vous enchantez dans tous les sens du terme, cher Ariel. Vous êtes capable d'ailleurs de chanter un air de l'enlèvement au sérail? Non, ça c'est pas assez connu quand même. Il y a pas, oui, qu'est-ce ça? Oui, mais ça c'est bien, ça. Magnifique.